disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode numéro 20. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent, sur democratie@protonmail.com. Je répète, democratieparticipative@protonmail.com. Vous pouvez aussi vous enregistrer, participer au forum Europe Écologie Les Brins à l'adresse suivante. EELB.SU, EELB.SU. Grâce à ce forum, vous pouvez bien évidemment réagir aux articles qui paraissent sur le site de Démocratie Participative. Vous pouvez également commenter les émissions chaque semaine et participer à toutes les sous-sections du forum qui sont très diverses, qui comportent notamment l'informatique. Si vous avez des questions en informatique, il y a des participants au forum qui sont très pointus sur ces questions, en sécurité, notamment informatique et autres. Il y a les crypto-monnaies aussi, si vous avez des questions, ça c'est important de s'y intéresser pour les années qui viennent. Révisionnisme historique aussi, actualités diverses, guide racial des villes, etc., etc. N'hésitez pas, inscription gratuite bien entendu. Je vais présenter maintenant les membres de l'émission de cette semaine. Et je vais commencer sans aucune transition par Wittmann, qui nous fait le plaisir de revenir dans l'émission. Salut Wittmann, j'espère que tu vas bien. Salut Gandalf, je vais bien. J'espère que toute l'équipe va bien et que tous nos auditeurs vont bien également. Oui, ça va, on peut dire que ça va. Salut Fulbert, comment vas-tu? Tu nous rejoins aussi cette semaine comme d'habitude. Comme d'habitude, Fulbert va bien, je te remercie. Bonjour à toi et bonjour à tous. Est aussi avec nous cette semaine, Alexis, la voix de la raison et de la vigilance sanitaire. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde, voilà, tu me flattes. Allez, bonne émission à tous. Est aussi avec nous cette semaine, Pierrot. Salut Pierrot. Bonjour Gandalf, bonjour à tous, et joyeux anniversaire à George Floyd. Joyeux anniversaire George, ça fait maintenant un an que tu as arrêté la drogue, félicitations à toi. Sa famille a quand même touché 42 millions de dollars. Bon, pour un accident, c'est bien payé. Et enfin avec nous cette semaine, Porovitch. Salut Poro. Bonjour à tous. Oui, bah 40 millions, ça fait beaucoup en crack. Hein. Ça fait beaucoup en crack, trop pour un seul homme. Heureusement, il y a toute une tribu derrière tout ça. Alors messieurs, avant d'entamer l'émission, je tiens à remercier les donateurs qui nous soutiennent chaque semaine, chaque mois. Tous ceux qui ne se manifestent pas en nous écrivant pas, mais qui sont là pour nous, pour financer le site, on les remercie bien évidemment. Et quant à ceux qui se manifestent, voici leur courrier. Premier don, chers démocrates, je vous fais un don d'environ 0,1 monero au cours des dernières heures. Merci d'en confirmer la réception, ce sera fait. J'en profite par ailleurs pour encourager tous nos jeunes camarades à faire beaucoup d'enfants. Oui, nos uniques objectifs devraient être la concrétisation d'un grand remplacement inversé et la panique juive qui en résulterait bien cordialement. Et c'est signé Mikhaïl. Merci à toi, cher Mikhaïl. Don numéro 2, 0,16 monero. C'est Mélas, autocrator, qui nous soutient régulièrement. Salutations à toute l'équipe, dont mensuel pour le mois de mai, au mois prochain. Courage ! Merci, Mélas. Alors, chers amis, commençons cette émission, tout simplement, rubrique numéro 1, autisme radical. Et là, on va commencer avec Emmanuel Macron, qui nous a vraiment fait plaisir cette semaine. Il est en campagne électorale, il nous le fait savoir, il ne s'en cache pas. Les messages, les signaux sont envoyés aux populations ciblées, sans aucune espèce de retenue. Et parfois, ça donne des déclarations pour le moins cocasses. Alors, celle-là vaut quand même son pesant de j'allais dire de cacahuètes, mais c'est plutôt son pesant de banane, en fait. Alors, c'est une interview qu'a accordé Emmanuel Macron au magazine totalement inconnu Zadig Le Mag, je sais pas. Enfin, un truc comme ça. Bon, bref, c'est extrêmement long. Voilà, c'est presque un exercice littéraire. Dans laquelle, en fait, il flatte les territoires de France. Alors, voilà, tout le monde a le droit à son baume solaire. Et il s'attarde sur la Seine-Saint-Denis. Alors, voici ce que ça donne. C'est pas très long, mais c'est très intéressant. Alors, voici ce qu'il dit. Je vais vous décrire en vous demandant de fermer les yeux. Notez bien, hein, je vais vous décrire en vous demandant de fermer les yeux le département le plus jeune de France, avec deux aéroports internationaux, le plus important stade sportif français et le plus grand nombre de créations de start-up par habitant. Il ne manque que la mer pour faire la Californie. C'est aussi le seul endroit où l'on a assumé d'être un pays d'immigration qui intègre, qui élève les enfants nés ici comme ailleurs. Les trajectoires individuelles existent, mais quand les gens progressent, ils partent. Et c'est ce qui explique les difficultés. Chaque fois, la Seine-Saint-Denis accueille les nouveaux arrivants. C'est un espace unique de transformation économique et sociale. Le travail que fait ce département pour l'intégration dans le pays est colossal. C'est un poumon. Et dans le même temps, toutes les fragilités françaises y sont concentrées. Les espaces sont à reconstruire. Les difficultés économiques, sociales et sécuritaires s'y conjuguent. Oui, car là-bas, tant de difficultés sont concentrées que, si on ne remet pas les moteurs, on n'y arrive pas. Ce département a un rôle de cœur, en quelque sorte. En plus, ce que je trouve fascinant, c'est que la Seine-Saint-Denis a une histoire sensible et française géniale. Tous les rois de France se retrouvent là. Il y a un entrelac absolument extraordinaire de notre histoire. Alors évidemment, il fait mention de la basilique de Saint-Denis, ou la nécropole des rois de France, qui désormais est totalement entourée de nègres, hein, il faut quand même le savoir. Alors donc, pour Macron, ça c'est un entrelac absolument extraordinaire de notre histoire, dit-il. Voilà. Alors messieurs, il y a d'autres choses hein, dans la même veine qu'a fait Macron cette semaine, notamment des déplacements en Afrique, on va y revenir. Mais comme ça, brièvement, la Seine-Saint-Denis, la Californie sans la mer. Effectivement, exercice littéraire, je pense qu'on est à mi-chemin entre la fantaisie et la science-fiction. C'est presque un nouveau genre. Je veux dire, oui, c'est la Californie, oui. Alors, peut-être enfin, On est dans l'imaginaire, en tout cas. Hein. Oui, on est dans l'imaginaire, oui, on est dans l'imaginaire, dans la poésie, j'ai presque envie de dire. Quelqu'un d'autre là-dessus, brièvement Pas spécialement, moi je vais lancer la discussion un petit peu quand même. Ce qui ressort de ce truc-là, évidemment, outre l'exercice de style pour caresser dans le sens du poil la population immigrée qui se surconcentre dans ce département, des fins bien sûr électorales, c'est le foutage de gueule intégral du politicien en campagne. C'est-à-dire que la Seine-Saint-Denis, c'est ce qui se fait de pire en France, et que c'est même plus la France d'ailleurs. Pas besoin d'en dire davantage, hein, je veux dire, le 9-3, c'est universellement compris comme étant une terre grand remplacée. Hein. Et ben Macron, lui, il y voit une success story. Pour Macron, ça, c'est un laboratoire du futur. Alors, ça peut l'être, hein, par certains aspects. Mais lui, il est très enthousiaste. Donc, en fait, quand vous regardez la Seine-Saint-Denis, vous et moi, on voit un territoire grand remplacé intégralement, avec ce que ça suppose au plan historique, puisque tu as carrément la nécropole des rois de France qui devient la négropole de la France d'après. Et tu as un président en fonction qui trouve ça génial. Il te dit, il manque plus que la mer pour qu'on ait l'impression d'être en Californie. Alors, il y a un point commun quand même que je vois avec la Californie, c'est le grand remplacement. Puisqu'en Californie, il n'y a plus que 30, je crois que c'est à un peu plus d'un tiers de la population qui est d'origine européenne. Hein. Tout le reste, c'est des Chicanos, c'est des Mexicains, des Noirs, etc. Enfin, la Californie, c'est typiquement l'État américain qui a été grand remplacé aussi. C'est par ailleurs un État totalement bolchevisé. La Californie n'est pas tenue par des ultra-capitalistes, hein, c'est tenue par des ultra-marxistes. Qui mènent des politiques d'ailleurs complètement spoliatrices. Il y a un énorme white flight depuis la Californie vers les États voisins comme le Texas et même la Floride, le Nouveau-Mexique aussi, pour des raisons justement de politiques menées par les politiciens californiens, une politique donc ultra-marxiste. Donc en fait, les gens qui travaillent, les blancs qui travaillent, les cols blancs de Californie, fuient la Californie. Donc quand Macron vous explique que, la Seine-Saint-Denis en fait ne conserve pas ses nouveaux venus, contrairement à la Californie, c'est totalement faux, hein. La Californie fait fuir tout le monde. Quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, par rapport à la Californie, j'avais vu un article il n'y a pas très longtemps. Ils voulaient mettre une taxe en fait, ils voulaient continuer de taxer les gens qui quittent l'État. Donc voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'était une espèce de taxe. Oui, ouais. Comme ça, il y a des taxes au niveau des États. Ils voulaient que les mecs continuent de payer pendant un an ou deux. Parce qu'évidemment, si les gens riches partent, si les blancs qui travaillent partent, il n'y a plus d'argent à donner aux nègres. Donc évidemment, la solution, c'est pas de faire arrêter de venir les nègres. Non, non. C'est de poursuivre, de pourchasser fiscalement les mecs à l'autre bout du pays. Voilà. Ça vous donne un petit peu. Le type d'homme, l'univers mental des gens qui dirigent l'État de Californie. Tout à fait. Et que Macron cite ça en exemple, ça montre que ce type est totalement à côté de ses chaussures. Je ne sais pas pourquoi on présente ce type comme un libéral, alors que c'est un socialiste forcené. Macron est un socialiste forcené. Hein. Je pense que le portrait qu'il fait de la Californie est inexact. Par contre, il y a de vraies raisons de comparer la Seine-Saint-Denis et la Californie, mais qui ne sont pas celles qu'il présente. Hein. Alors après, il parle de start-up, etc. Bon, bah, monter une entreprise, ça veut rien dire. D'abord, il a passé une start-up, mais non, c'est juste une entreprise. Ça veut rien dire, ce que tu dis. Genre, voilà, mec, il a ouvert un kebab, ouais, formidable. Ouais. Bon, voilà, bon, vous avez compris, hein, c'est du baratin préélectoral. Donc, il s'agit de dire du bien à fond des immigrés. Mais c'était assez grotesque. Et en fait, ce qui m'a vraiment le plus marqué quand même dans cette interview, parce qu'elle est très longue, et sur ce passage sur la Seine-Saint-Denis, c'est vraiment quand même la mention de la nécropole des rois de France. Et là, c'est une revendication du grand remplacement. C'est très clair, quoi. Je veux dire, Macron ne fait pas cette allusion par hasard. Il manie les symboles, il sait très bien ce qu'il dit. Et quand il dit, voilà, c'est extraordinaire, la basilique des rois de France. C'est l'histoire française, et aujourd'hui, c'est génial, il y a que des nègres partout autour, hein. Puis musulmans en plus, quoi. Super, super, ça c'est le futur. Bon, un président qui revendique ça, vous avez compris que le type, il ne recule devant rien pour gratter des voix, mais en plus, c'est d'un cynisme achevé. Et il est prêt à pourrir complètement son propre pays, peu importe ce qui arrivera. Quoi. Quelqu'un d'autre là-dessus ? D'ailleurs, je tiens à dire que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que, à titre personnel, je m'engage, si nous gagnons, le Panthéon sera transformé en canisette. Parce que moi aussi, j'aime bien manier les symboles. Bah, le Panthéon a été envahi par des nègres il y a 2 ans, là, des sans-papiers, mais c'était une nuée de nègres qui avaient squatté le Panthéon. Ils s'étaient appelés d'ailleurs les Gilets Noirs à l'époque. Ouais, hein, ils étaient encadrés par l'extrême gauche et tout, et c'était une vision qui était assez édifiante, puisqu'on avait la fameuse statue de la Convention nationale, et au pied de laquelle se trouvait cette immense masse d'Africains hystériques, réclamant des papiers, hein, en scandant hein, « des papiers, des papiers, des papiers voilà. ». Et là, il y avait aussi, je crois qu'il y avait aussi un message. En tout cas, moi, j'ai reçu le message 5 sur 5. Voilà. Donc voilà, Macron tel qu'en lui-même. Et ça fait suite. En fait, c'est très raccord avec son déplacement en Afrique. D'ailleurs, quand, C'est bien, maintenant il peut aller en Seine-Saint-Denis, il peut se rendre en Afrique sans avoir à se déplacer tellement loin. Mais vous avez suivi, je pense, l'histoire du rapport sur la guerre d'Algérie qu'il avait remis. Vous vous rappelez de ça, là, dans lequel il disait que... Enfin, il envoyait un signal aux 7 millions d'Algériens installés en France en leur disant que la France avait une part de responsabilité, etc. Rapport qui a été copiloté par... Pas un juif, non ? Voilà, c'est ça, hein, Benjamin Stora, Benjamin Stora, n'est-ce pas ? Voilà, hein, bon, on a bien compris aussi. Et il enchaîne sur le même rythme puisqu'il s'est rendu en Afrique pour délivrer toute une série de messages à caractère symbolique qui sont exactement de la même teneur. Alors voici cité par le Parisien, c'est pas la totalité de l'article mais ça vaut quand même le coup de le relever. Emmanuel Macron a conclu sa visite de 2 jours au Rwanda puis en Afrique du Sud sur une note très politique, louant dans un discours à la communauté française à Pretoria en Afrique du Sud le partenariat qu'il veut nouer avec les pays du continent. Le président ambitionne de changer les regards et les esprits sur la relation de la France et de l'Afrique, y compris entre les frontières de l'Hexagone, où il envoie aussi très clairement un message. Car, disant cela, le voilà qui s'adresse aux, je cite, « millions de jeunes gens qui, en France, je cite encore, ont une histoire avec l'Afrique par leur famille, par des générations. On va enfin leur dire que l'on va pouvoir bâtir en commun, on va arrêter leur dire « c'est un problème et vous devez vous intégrer », donc c'est un problème, sous-entendu l'immigration, et vous devez vous intégrer, on va leur dire, donc à la place, « vous êtes une chance pour la France et vous allez nous aider à développer cette histoire commune ». Bon. Ce qui est frappant avec Emmanuel Macron, c'est que c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Hein. Bon, l'immigration, une chance pour la France, c'est le rapport Stasi, ça a 30 ans, voire davantage. On n'innove pas en France, hein, même quand on veut faire dans l'immigrationnisme, en fait, on n'innove pas du tout. Mais il le fait en Afrique, c'est-à-dire qu'il se rend en Afrique, alors au Rwanda, il faudra aussi en parler un petit peu, mais ensuite en Afrique du Sud, et il dit voilà, clairement à une dimension électorale, il y a des millions de jeunes gens en France hein, qui ont une histoire avec l'Afrique de par leur famille et sur des générations. Et rappelez-vous qu'il y a quelques mois, Macron a déclaré qu'il y avait 10 millions de personnes en France qui avaient un lien avec l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, donc Macron est très au courant des réalités démographiques et électorales, et il envoie les bons signaux. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus ? On est, je fais le lien bien évidemment avec son allusion à la Seine-Saint-Denis, puisque c'est en fait la même chose. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? Le remède sera la même chose en fait. Que ce soit la Seine-Saint-Denis pour intégrer, développer, machin, ce qui est des beaux discours. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement derrière ? Bah, c'est très simple. Allez, blanc. Vous êtes encore payé pour des nègres. Ça veut dire ça. Que ce soit en Afrique officielle, au Mali par exemple, ou en Afrique officieuse en Seine-Saint-Denis, même chose. Hein. Oui, d'ailleurs, quand il était en Afrique du Sud, il a annoncé un prêt de 200 millions d'euros offert par le contribuable français, qui bien sûr n'a pas été consulté, à des histoires d'entreprises, enfin à des entreprises pseudo-écologiques en Afrique du Sud. Enfin, encore des trucs, voilà. Enfin, il va engraisser évidemment les marxistes de l'ANC pour se faire bien voir. Voilà. Il arrive, bonjour, il arrive devant ces nègres, il a un chèque de 200 millions d'euros, les nègres sont très contents parce qu'ils disent « putain, on va pouvoir se payer des bagnoles, des trucs, des machins, tu vois ?» Et les nègres du parti, hein, j'entends. Hein, et là, ils sont là en train de luire au soleil à s'imaginer tout le fric qui va couler dans leur poche. Et Macron, il a le droit, en échange, de faire un discours... sur place, quoi, voilà, pour caresser les négros dans le sens du poil. C'est quand même assez sidérant, mais ça, c'est la politique, voilà, c'est ce qui sert de politique étrangère à la France, voilà, à ce stade. Je crois en la démonstration par le réel. Je vous invite, chers auditeurs, à consulter des documentaires sur les brouteurs en Afrique. Vous savez, ces gens qui arnaquent en ligne, généralement des femmes, plutôt des toutes sortes de naïfs qui vivent en Europe pour leur voler du pognon, en usurpant les identités, bien plus souvent, et qui se font vraiment pas mal de pognon, surtout par rapport à leur trou à mer dans lequel ils vivent. Ils sont vraiment pas mal de fric. Qu'est-ce que font ces gens-là quand ils accèdent à la richesse ? Tous les reportages vous le montreront. bah, les types, ils vont dans des hôtels, dans les boîtes de nuit, ils claquent tout en alcool, en gonzesse, en drogue, en ce que vous voulez, voilà. Et donc, bah, c'est la même chose. En fait, c'est universel. Enfin, plutôt, c'est africain, on va dire. Voilà. Vous faites le même processus à chaque fois en Afrique. On parle de start-up, les types ne vont pas monter des start-up, d'accord ? Il n'y aura pas le Facebook africain demain. Ils vont s'engraisser, ils auront plus de fric, ils vont claquer, et puis ils vont faire plus de nègres, et du coup, il y aura encore plus de problèmes. Donc, il faudra renvoyer encore le prochain président qui dira ah, « bah, attendez, on va faire un chèque plus gros, etc. etc. » Ouais. Il y avait ce film biographique, autobiographique d'un rappeur très connu aux USA, je crois que c'est 50 Cent, qui s'appelle, et ça résume un peu le projet nègre, « Be rich or dying to try ». Donc en gros, leur but, c'est d'avoir du pognon et de faire ce que Pierrot dit, c'est-à-dire aller tirer des gonzesses, aller en boîte, claquer le pognon. Et voilà, vous avez résumé à peu près l'alpha et l'oméga du projet africain. Ouais, je traduis ce que ce que tu as dit, c'est soit riche ou meurs en essayant. Voilà, c'est-à-dire par tous les moyens, quoi. Ouais, par tous les moyens. Leur objectif, c'est le pognon et claquer. Dans le meilleur des cas, si le type est un petit peu au-dessus, qu'il a reçu un peu une éducation un peu traditionnelle, il va se marier, il va essayer de fonder une famille. C'est-à-dire qu'il va avoir 10 femmes et qu'il va avoir 100 gosses. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le mauvais cas, le type se drogue et il finit par en crever un jour. Voilà. Ah bah c'est le bon cas, du coup. Oui, ça vous donne notre perspective, c'est le bon cas. Whitman ? Oui, je voulais revenir sur les brouteurs. Et aussi, les brouteurs justifient de prendre l'argent des Blancs parce que c'est une réparation de la colonisation. C'est leur discours. Et aussi, toujours sur les brouteurs, vous pouvez rechercher sur YouTube, il y a un YouTuber, bon, c'était un Tunisien, qui s'est amusé, qui s'appelle, je crois, Sandoz, et qui s'est amusé à pirater l'ordinateur d'un brouteur. Il a fait croire que l'ordinateur était possédé. Et le brouteur avait revendu son ordi dans l'heure de peur qu'il y ait un démon à l'intérieur. C'est assez drôle. Excellent. Alors, sinon, pour en revenir à ce que tu disais par rapport à la politique qui est défendue donc, par Macron, c'est-à-dire l'immigration, une chance pour la France, effectivement, politique vieille de 30 ans, mais là, on change pas une équipe qui perd, quand on est de gauche, hein, c'est le principe. Donc évidemment, si ça rate, il faut continuer à en faire plus. Donc évidemment, ça fait 30 ans que ça rate. Et là, ce qu'on fait de plus, c'est qu'aujourd'hui, on va partir en mode repentance. Donc on va aller voir ces Algériens et on va leur dire « Ouais, ce qu'on a fait chez vous, la colonisation, c'était mal. » Et on ira faire la même chose au Rwanda puis un petit peu partout. Il est évident que les conséquences seront les mêmes que ce qu'on a connu depuis 30 ans, mais en pire. Parce que connaissant la psychologie de ces gens-là, aller s'excuser devant ces mecs-là, c'est juste de l'incitation au meurtre. Bien sûr. Totalement. Donc voilà, il faut s'attendre une fois de plus à une forte dégradation de nos problèmes. Moi, je veux dire, Macron ne comprend rien aux nègres. En fait, il transpose ses mantras sur les Africains. Pourquoi les brouteurs, ils vont claquer leur pognon comme des cons? Parce qu'en fait, ils ont un QI à deux chiffres, parfois même juste un. Et donc, quand on a un QI très bas, on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Donc, on claque notre fric. Et même raison, pourquoi est-ce que les Africains vont prendre ce message de repentance comme de la faiblesse? Parce que quand on a un QI à deux chiffres, on ne peut pas faire preuve de grande empathie. On est limité à une sphère un peu plus réduite qui, généralement, se concentre autour de soi-même. Et Macron, lui qui est pourtant un type plutôt intelligent, malgré ses défauts, croit que les Africains, finalement, ils peuvent faire preuve d'empathie contre tout le monde, alors qu'en fait, t'as affaire à des cons de nègres, Macron. Des cons de nègres, voilà. Avec les conséquences qu'on sait, parce que en validant ces rhétoriques-là, il les arme psychologiquement contre nous. Donc ces mecs-là qui sont déjà gonflés de haine depuis des dizaines d'années, il va leur en donner encore plus de raisons de nous haïr. Bon, ça, on sait comment ça finit. Hein. Dans la rue, c'est l'Empire Bertin, c'est les gamines violées, c'est les mecs surminés, c'est les Black Lives Matter qui lynchent des gens au hasard dans la rue. Hein. C'est ouais, ça c'est que ça va donner. Bien sûr. C'est mais... pas c'est pas c'est pas monnaie qu'on perd, hein. C'est nos vies qu'on joue aussi. Alexis. Dans le cas de la colonisation, je crois que Macron, même en Algérie, avait décrit la colonisation française telle qu'elle s'était déroulée comme étant un crime contre l'humanité. Il avait dit ça. Mais on voit bien que, de toute façon, il cherche à associer, à mon avis, deux grands électorats, l'électorat des retraités, qu'on appelle aussi parfois boomer, et puis l'électorat immigré. Je pense que c'est l'essentiel. Après, de dire ce qu'il cherche, les voix de gauche, les voix de droite, je pense déjà qu'un certain nombre de Français sont des gens malléables, c'est-à-dire qu'ils peuvent voter plutôt pour le centre-gauche, plutôt pour le centre-droit, pour le centre tout court, parce que Macron était présenté comme en même temps de gauche et en même temps de droite. Donc je dirais que c'est les deux électorats essentiels, quoi, et bon, ils cherchent à faire plaisir aux uns, à faire plaisir aux autres, au détriment des Français, puisqu'en cas de, deuxième tour contre, je ne sais pas, Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre, qui serait un petit peu, on va dire, patriote, ou enfin bon, vaguement, au moins sur le papier, bon, bah, il est évident que cet électorat immigré se tournerait vers Macron. Hein. Et puis, je voulais dire aussi une chose sur les start-up, entre guillemets. En fait, effectivement, c'est simplement une création d'entreprise qui peut concerner exclusivement un kebab, mais non seulement ça, mais en plus, la création d'un kebab, ça peut servir à laver de l'argent sale. Ça peut être une devanture pour le trafic de drogue. Donc, peut-on se réjouir a priori de toute création d'entreprise? Bon, il faut voir ce qu'elles produisent réellement. Est-ce qu'elles emploient comme personne et qui, etc. Même pour les papiers et pour les kebabs particulièrement. Vous savez pourquoi c'est souvent des personnes différentes qui sont à l'intérieur des kebabs turcs, généralement? C'est parce qu'en fait, du coup, on offre une promesse d'emploi à quelqu'un qui vient de Turquie. Et puis le mec il reste 3 mois, puis après c'est un autre, et puis à la fin il y a toute la famille qui est présente sur le territoire national. Bien sûr, oui. En parlant de start-up, parce que Alexis, l'émission est un peu légère parfois, moi j'aime bien la légèreté. Je sais pas si vous vous amusez parfois à regarder un peu les start-up africaines, déjà l'oxymore ultime. Moi ça me fait rire. Hein. Vous y trouvez des pépites, alors j'ai plus tous les détails en tête, mais je me souviens de deux qui m'ont marqué récemment. Alors c'est drôle, mais c'est quand même votre pognon qui est là-dedans. Hein. À chaque fois que vous grattez, c'est toujours des fonds européens. Bon bref, c'est les blancs qui payent un peu tout ça. Hein. Moi, j'avais vu dans un pays africain francophone, vous chercherez sur internet pour les détails. Hein. Il y avait des bureaux qui étaient montrés. Il y avait 10 nègres dedans entassés avec des ordinateurs sous Windows 95, qui avaient pour ambition de créer un nouveau système d'exploitation africain. Donc déjà, vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc? Les types, ils sont en interview, ils disent oui, attendez, nous on est en Afrique, mais on a quand même du potentiel, nous sommes le nouveau Microsoft, oui, bon, ok, pourquoi ? Intéressant. Sinon, j'ai vu des trucs révolutionnaires avec, donc là c'était en Côte d'Ivoire, avec des startups, alors on nous présentait, attention, là c'est la nouvelle technologie, le futur, quoi, pyramide volante, ce que vous voulez. Et en fait, les types, ils étaient très contents parce qu'ils avaient développé un logiciel qui imprimait des tickets de bus, voilà. Donc ça, fallait mettre beaucoup de pions là-dessus, mais ils étaient très heureux, vous avez vu, parce qu'avant, fallait aller au guichet, et maintenant, on peut aller en ligne même des fois, et puis imprimer des tickets de bus réservés en ligne. Ah, c'est vraiment le futur, l'avenir, quoi. Bah, y a un petit problème, quand même, qu'il faut noter, même dans cette innovation assez simple. Est-ce que vous savez pourquoi, généralement, entre 7, 8, 9 heures du matin, il y a des problèmes d'accès à Internet généralement dans la plupart des pays africains? Eh bien, c'est très simple, je vais vous le dire. C'est qu'en fait, l'Internet en Afrique, ça n'existe quasiment pas chez les particuliers. Donc, quand les types, ils ont des emplois de bureau, eh bien, du coup, ils vont sur Internet, ils en profitent le matin, hein, pour ceux qui bossent, bien sûr. Et vu qu'ils y vont tous en même temps, du coup, ça crée des problèmes. Voilà. Et le soir, quand ils sont chez eux, eh bien, les mecs, ils galèrent déjà pour avoir juste un réseau téléphonique. Donc, Internet, vous oubliez, quoi. Donc, le Microsoft de demain, excusez-moi, j'ai quelques doutes. Comment dire, il y a un truc assez rigolo aussi. Il a fait d'autres déclarations hein, à propos du Mali, notamment, parce que c'est bien beau hein, de caresser dans le sens du poil algérien, rwandais, africain du Sud ou habitant de la Seine-Saint-Denis. Mais ensuite, il y a la réalité. Et là, au Mali, je ne sais pas si vous avez suivi. Alors, il y avait le président du Tchad qui est mort. Il y a quelques semaines et qui a été remplacé par son fils. Alors il y a l'Union Européenne parle de putsch militaire, bon peu importe, disons que la tension est assez vive et au Mali il y a eu un deuxième coup d'état, c'est-à-dire qu'en fait le chef de l'armée, enfin de ce qui sert d'armée au Mali s'est emparé du pouvoir. Et Macron a dit, attention, si le pays prend la direction d'un soutien à l'islam radical, en gros Al-Qaïda et compagnie, hein, qui sont très influents dans le sud du pays notamment, pas que dans le sud, mais aussi dans le sud, eh bien, je retirerai l'armée française. Donc, alors évidemment, c'est du bluff, hein, mais en pratique, sa formidable politique africaine consiste à ne pas pouvoir gérer des bandes de nègres qui sont en train de fricoter avec Al-Qaïda et compagnie. Hein, c'est quand même ça qui se passe sur le terrain. Hein. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a ? On a un aplaventrisme complet devant des pays, d'ailleurs, pour certains qui demandent peu ou rien. Voilà, mais voilà, Macron va se foutre de la cendre sur la tête au Rwanda pour demander aux nègres de nous cracher collectivement dessus. Et il va faire de même en Afrique du Sud en leur donnant du pognon. Mais quand on s'intéresse à sa politique concrète sur le terrain, c'est un désastre absolu. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu essaies de t'intéresser aux affaires des nègres, ça termine toujours très très mal. Donc Macron n'a plus de porte de sortie au Mali. La population ne veut plus entendre parler des Français, déjà, pour commencer. Ils sont en train de basculer à fond du côté des islamistes, de toutes couleurs et de toutes variétés, hein, tous les uns, c'est à peu près acté. Ça fait tache d'huile un peu partout, au Niger, au Tchad, etc. Bon, bref, et Macron n'a aucune espèce d'idée de ce qu'il est censé faire là-dedans. Voilà. Donc, il y a ce que Macron déclare, hein, il y a le roman que Macron essaie de nous vendre, et puis ensuite, il y a la réalité pratique. Et la réalité pratique, c'est que les nègres veulent foutre les Français hors de leur bled. Voilà. Donc c'est pas tout à fait déjà le même. Il y a quand même un décalage, quoi. Voilà. Donc le bilan de Macron, on l'a sous les yeux. Hein. Voilà. Quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à tout ça ? Bon, évidemment, hein, c'est préélectoral. Bon, voilà, on l'aura bien compris. Il va jouer la carte à fond. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir qu'à un moment donné, quand il parle de la Seine-Saint-Denis, non, là c'était en Afrique du Sud, quand il s'adresse. Quand il parle d'Afrique, il dit oui, l'immigration est une chance pour la France, la question c'est pas l'intégration. On voit bien qu'il est quand même très mal à l'aise par rapport aux discours qui peuvent se développer par ailleurs au sein même de son parti ou de son mouvement, même avec des gens comme Darmanin, etc. La loi anti-séparatisme, on voit très clairement que Macron n'est pas à l'aise avec ça. C'est pas tellement sa tasse de thé. Donc, il est dans le en même temps, en fait. Oui, il est dans le en même temps. Voilà. Mais au bout d'un moment, il va falloir choisir. Quelqu'un là-dessus, ou bien on peut passer au sujet suivant ? Petite remarque rapidement, ouais. C'est qu'on nous dit que, enfin, il y a la politique de la repentance, l'idéologie de la repentance qui vise à, pour des fausses raisons, à donner des excuses au nom de la France et de la République française envers les populations, voilà, que l'on a citées. Mais est-ce que Macron ou d'autres présidents de la République auparavant se sont excusés auprès de la population française de souche pour avoir, je ne sais pas, menti sur Tchernobyl ou l'affaire du sang contaminé ou ce genre de choses, ou d'avoir tiré sur des gilets jaunes? Je crois que ça s'est jamais produit. Donc finalement, les excuses, c'est envers les autres et pour les autres, et pas jamais envers notre propre peuple. Oui. Il faut absolument que le président du Conseil italien vienne en France, qu'il s'excuse auprès de... Enfin, pour ce qu'a fait César, quoi. Je veux dire, la Gaule, tout ça, on a pris cher. Hein. Hein, vu qu'on remonte apparemment très loin. Non, mais on a bien compris que le droit d'inventaire n'est qu'à sens unique. Hein. Non, il n'est qu'à sens unique. Hein. D'ailleurs, j'ai vu une réaction de Védrine, hein, sur l'histoire du Rwanda, en disant que c'était stupéfiant les mensonges que répandait partout Macron, quoi. C'est-à-dire que les gens qui observent, enfin qui connaissent le dossier de droite et de gauche, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens comme Balladur qui ont pris la parole. J'ai vu une intervention de Balladur sur la question du Rwanda il y a quelques semaines, dans laquelle il a expliqué de manière très claire ce qu'il était Premier ministre à l'époque. Il a expliqué très clairement, de manière concise, quelle était la situation sur place à ce moment-là, et que la France avait très peu de marge de manœuvre. Elle a d'ailleurs très peu de force sur place. Et elle a essayé de faire pour le mieux dans un contexte très difficile. Parce que ces deux populations voulaient absolument en découdre l'une avec l'autre. Rien de nouveau en Afrique. Voilà. Ces ethnies passent leur temps à se combattre les unes les autres. Je pense qu'il faut les laisser s'affronter d'ailleurs. Moi, je suis un grand partisan du désengagement de l'Occident et de l'Europe de l'Afrique et de laisser ces gens joyeusement s'autoréguler. Hein. Ils ont une natalité qui est débordante et qui est le fait de notre ingérence, parce qu'on nourrit ces nègres à ne rien foutre. Quand ils veulent se foutre sur la gueule, on intervient pour qu'ils puissent encore davantage proliférer. Et ce cycle infernal se traduit par une véritable explosion démographique totalement hors de contrôle. Je rappelle que dans les 10 à 15 prochaines années, le continent africain va gagner 500 millions d'habitants, c'est-à-dire l'équivalent de la population de l'Union européenne. Bon, visiblement, Macron veut en faire encore davantage, parce qu'il a appelé à un plan Marshall pour l'Afrique. Enfin, n'ayons pas peur des mots. Hein. Voilà, un plan Marshall pour l'Afrique, donc encore plus de fric pour l'Afrique. Bon, ça a tellement bien marché jusqu'à présent, pourquoi ne pas recommencer, effectivement. Donc, donc Hubert Védrine et Balladur ont dit que c'était... Enfin, je veux dire, ils ont vraiment dit que c'était absolument honteux de voir un président de la République en fonction aller aussi loin dans l'abaissement et le mensonge pour caresser dans le sens du poil des nègres excités par l'extrême gauche. Parce que c'est ça, en réalité. Donc, Macron est indigne. C'est pas nouveau, mais là, il a quand même franchi un cap. Entre le Rwanda et l'affaire algérienne, il a quand même franchi un cap. Pour des raisons purement électorales, je le répète, mais c'est important à cerner, quoi. Donc, ça dit quand même beaucoup du personnage. En sachant très bien que ce n'est pas une erreur d'analyse de sa part. Il est parfaitement au courant de la non-responsabilité de la France. Il le sait pertinemment. Et comme le disait aussi Porovitch, ça se traduit en pratique par une animosité exacerbée de la part de nègres qui ne demandent que des prétextes pour nous sauter à la gorge au quotidien. Donc ce que Macron est en train de faire, c'est d'armer les populations qui nous envahissent pour s'en prendre à nous. Ni plus, ni moins. Voilà. Voilà où on en est arrivé en France, en 2021. Voilà où on en est arrivé. Donc ça vaut quand même la peine de le souligner. Et ça montre aussi ce que donne la démocratie. Hein. Voilà. Ce que donnent les élections. Alors messieurs, je propose de passer à la rubrique suivante. Rubrique numéro 2, chers amis, enrichissement culturel. Bah, ça fait le lien avec ce qu'on vient de dire dans la première rubrique, quelque part. C'est-à-dire, on disait collectivement, pour vous disait ça aussi, que Macron alimentait la haine raciale des Noirs présents en France vis-à-vis des populations autochtones. Ben, nous en avons une démonstration concrète, avec un incident qui a eu lieu à Nantes, à la Chapelle-sur-Erdre. Vous avez dû en entendre parler. Alors, ça ne s'est pas terminé comme un Rambouillet, mais on n'était pas loin. Alors, je vous lis brièvement, vous avez entendu parler de ça, hein, donc en fait, il y a un homme d'origine africaine qui s'en est pris à une policière qui était de garde dans un commissariat de cette commune de la région nantaise et à l'arme blanche, et il a failli la tuer. Alors voici un article qui résume un peu le profil de l'intéressé. Schizophrène, radicalisé, délinquant multirécidiviste. Qui était Ndiaga Dieye ? Abattu par les forces de l'ordre après avoir grièvement blessé par arme blanche une policière municipale à la Chapelle-sur-Erdre. Ndiaga Dieye, l'homme qui a attaqué et blessé grièvement une policière municipale à la Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes, vendredi, est né à Saint-Nazaire en 1981. Cet individu français, né en France, est connu des services de police. Il sortait de prison, a précisé Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Alors, il faut quand même voir la tête de l'intéressé pour méditer sur cette expression choisie par Gérald Darmanin, individu français né en France. Le 7 mars 2013, ce délinquant chevronné avait été interpellé pour des faits de vol à main armée en récidive et séquestration à Arleux, dans le Nord. Quelques mois plus tard, le 29 septembre, il avait tenté de s'évader de sa prison blessant des agents pénitentiaires. Jugé en 2015 par la Cour d'assises du Nord, il avait été condamné à 8 ans de prison. Donc normalement, il était en taule jusqu'en 2023. Vous avez remarqué qu'on est en 2021. Avant l'attaque, l'assaillant n'avait jamais été incarcéré pour des faits de nature terroriste. Néanmoins, lors de son séjour en prison, sa pratique rigoriste de l'islam avait attiré l'attention de l'administration pénitentiaire qui avait noté sa propension à dormir à même le sol de sa cellule ou à s'exprimer avec un vocabulaire radical. Il utilisait notamment le terme de « koufar », hein, donc de mécréant, pour désigner les non-musulmans, souligne Le Parisien. De fait, Ndiaga Dieye avait été inscrit en 2016 au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSRPRT, mais n'était pas fiché S. Il avait également été diagnostiqué schizophrène sévère durant son incarcération. Il avait quitté la maison d'arrêt de Nantes le 22 mars dernier après avoir purgé donc une peine, apparemment une autre peine. Il était suivi par une association spécialisée et faisait l'objet d'injonctions de soins qu'il respectait. Ouais, c'était efficace visiblement. D'après une source proche du dossier, la radicalisation en prison de Ndiaga Dieye est fortement liée à la maladie psy. L'ancien avocat de l'agresseur, maître Vincent de la Morandière, qui l'a défendu dans plusieurs dossiers, a expliqué avoir vu une dégradation psychologique au fur et à mesure des incarcérations. À un moment donné, ça devenait difficile de discuter avec lui. L'auteur avait un profil psychiatrique très lourd, de schizophrénie, avec des fortes phases de décompensation, a confié une autre source de l'enquête aux Parisiens. Toutes les phases radicales qui ont été détectées par le passé étaient corrélées à des phases psychiatriques. Il lui avait été prescrit un traitement lourd. À la Chapelle-sur-Erdre, d'après un voisin, il était très calme, mais on l'entendait parler tout seul la nuit. Il m'avait fait part du fait qu'il avait des problèmes psychologiques. Il vivait seul et n'avait pas de visite. Il m'avait dit qu'il avait un enfant. À ce stade, aucune revendication djihadiste, orale ou écrite, n'a été faite. Ndiaga Dieye n'aurait pas crié « Allah Akbar » en passant à l'acte. Le travail des enquêteurs consiste désormais à savoir si c'est sa pathologie, la schizophrénie, ou la volonté de répondre à la propagande djihadiste qui a motivé cette attaque violente à l'arme blanche. Le parquet antiterroriste ne s'était pas saisi de l'enquête vendredi soir, mais selon l'AFP, une qualification pénale en lien avec le terrorisme pourrait toutefois être retenue au gré de l'avancement de l'enquête. Bon, alors, vous avez compris que le dossier va quand même être rapidement enterré dans la mesure où il n'y a pas mort d'homme, hein. Toutefois, ça fait écho à différentes attaques qu'on a connues récemment, d'autant que la police s'est mobilisée face à l'Assemblée nationale il y a 15 jours. On en avait parlé, donc il y a une dimension politique. On est à un an de l'élection, donc tout ça quand même est très, très, très médiatisé avec, une petite musique électorale derrière. Mais bon, voilà, on a un Français né en France, à Saint-Nazaire en 1981, donc j'ai même envie de dire que c'est un Breton, hein, donc qui est passé à l'acte parce qu'il était mal dans sa peau, quoi. Hein. Voilà, c'est un peu le... voilà, il souffre de maux que beaucoup d'autres Français peuvent avoir dans la société actuelle. Hein. Quelque chose à dire là-dessus, sur cette mystérieuse attaque, puisqu'on nous dit qu'on n'est pas sûr exactement de ce qui a pu le pousser à agir? Alors je pense qu'il va falloir à l'avenir beaucoup de place dans les hôpitaux psychiatriques, hein, puisque visiblement ce serait un schizophrène. Bon, moi j'aurais plus tendance à dire que c'est un nègre lambda, mais voilà. Bah, ça a été l'axe de réflexion de Jean-Luc Mélenchon, ne riez pas. Comment un malade atteint de schizophrénie a-t-il pu être abandonné sans accompagnement médical? 31 000 lits de psychiatrie de moins en 30 ans, voilà le résultat. Donc Mélenchon a la réponse. Le problème avec cet assaillant, hein, musulman enragé, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de lits en psychiatrie pour s'occuper de leur cas. Voilà. Alors je sais pas, hein, si les 30 000 lits qui manquent suffiraient à absorber tous les cas psychiatriques qui se baladent en France et qui sont le fait de l'immigration, puisqu'on est quand même sur des volumes considérables, hein, 400 000 immigrés par an quand même, supplémentaires, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. On pourrait même revenir sur les 30 dernières années, hein, je pense qu'on a facilement pris 10 millions d'immigrés supplémentaires sur les 30 dernières années, je suis très conservateur dans mon estimation. 31 000 lits pour gérer 10 millions de personnes supplémentaires qui viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient. Bon, je crois pas que... Ouais, ça va être léger. Hein. Ça va être un peu léger quand même. Hein. Voilà, ça va être un peu léger. Il faut foutre entre quatre murs tous les nègres à moitié débiles. Fulbert, j'espère que tu as de quoi agrandir ta cave. Hein. Ah ben oui. Tiens, ben justement, j'aimerais faire une petite remarque. Apparemment, le type n'a pas crié « Allahu Akbar », j'ai bien compris. Donc, ce n'est pas un... A priori, il n'aurait pas un motif terroriste. Dites-moi, les gens qu'on accuse d'être des fachos et compagnie, là, ils crient « Heil Hitler » pour qu'on les reconnaisse ou quoi ? Il a dû crier « Heil Hitler » pour qu'on a... Enfin, je ne sais pas, moi, mais c'est vraiment de la folie, quoi. Donc, si vous voulez vous énerver contre des métèques, ne criez pas à Hitler et dites que vous avez des problèmes pour dormir, que vous êtes pas bien, vous avez mal dormi la veille. Non, mais bon, voilà, enfin, c'est... En soi, c'est pas l'affaire de l'année, puisqu'on est maintenant complètement habitué à ce type d'action, mais c'est très drôle de voir... Ces nègres fous déambuler et exploser soudainement. C'est très drôle, bien sûr, entre guillemets. Il y en a tellement dans les rues de France que ça vaut aussi pour les Algériens. Ce sont des mines antipersonnelles qui peuvent exploser d'un moment à l'autre. Hein. C'est, voilà, c'est être au contact de ces populations-là, c'est s'exposer à ce type de menace, quoi. Voilà. Ils ne savaient pas pourquoi, il se déclenche, mais il se déclenche. Et quand il se déclenche, tout ce qui lui passe par la main servira d'arme par destination. Ça peut être une barre de fer, ça peut être une bouteille, ça peut être une pierre. Il peut vous balancer dans un canal. Voilà. Et donc là, ils sont en train d'essayer. C'est drôle parce que dans cette affaire-là, ils sont en train d'essayer de distinguer qu'est-ce qui pourrait relever du motif terroriste de la folie. Et bah avec des populations comme ça, la frontière est quand même assez ténue. Hein. C'est quand même. Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Hein. Parce que c'est facile un peu cette excuse de schizophrénie. Parce que quand on connaît un petit peu le dossier, généralement, les gens qui sont malades mentaux, donc schizophrènes et assimilés, ou d'autres, sont quand même des gens assez diminués, que ce soit mentalement ou physiquement. Notamment à cause des médications. Qui, dans les cas de schizophrénie, sont souvent des neuroleptiques, qui sont des médications extrêmement lourdes, qui t'abrutissent les gens dans une proportion quand même assez forte, et qui étaient notamment utilisées pour briser les opposants politiques en Union soviétique. Donc, généralement, le schizophrène moyen, comprenez blanc, le type, s'il arrive encore à lasser ses chaussures, c'est déjà pas mal. Mais ces mecs-là, évidemment, ce n'est pas le type moyen. Et même avec des médications comme ça, on n'arrive pas à supprimer la proportion extrême à la violence de ces gens-là. Et le problème, il est là. Il n'est pas à chercher ailleurs que chez des gens qui sont naturellement violents. Et c'est pas la maladie le problème. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Enfin bon, voilà, encore un éclat sécuritaire, bon, parmi d'autres. Voilà, donc je sais pas, peut-être que c'est dommage, parce que Ndiaga Dieye, s'il avait été un peu plus patient, s'il avait attendu quelques jours pour prendre connaissance des déclarations d'Emmanuel Macron au Rwanda et ensuite en Afrique du Sud, peut-être qu'il aurait remisé son couteau dans sa cuisine. Peut-être qu'il aurait dit, finalement, j'ai ma place ici, quoi. Voilà, le président français, il a fait des déclarations qui reconnaissent que, finalement, la France est un pays d'enculés, peuplé d'enculés de blancs, et que ça va changer parce que on va prendre des mesures, on va adopter des mesures, on va donner de l'argent aux Noirs, tout va aller beaucoup mieux. Donc, ce manque de patience, peut-être, de Monsieur Dieye a joué un rôle dans le déclenchement du drame. Voilà, c'est dommage, mais on peut espérer, en tout cas, que les déclarations récentes de Macron apaiseront les autres. Bah oui, le prochain, il va dire « Ah, donc, les Français, c'est des enculés. Ah bah, ok, je vais sévir. » Ah là là, bref. Alors, rubrique numéro... Il a grippé ouais. le flingue d'une policière. Hein, voilà. Il l'a volé, non mais il l'a volé en fait. Il a volé le flingue. Voilà. Il a volé le flingue. Alors, les femmes, oui. Alors là, en l'occurrence, elle faisait l'accueil, seule. Alors après, Rambouillet, quoi. C'est-à-dire, Rambouillet, c'est ça. Hein. Rambouillet, c'est. T'as une administrative de la police qui est à l'accueil. Et qui se fait assassiner par un homme qui. Par un djihadiste, quoi. qui veut passer à l'action. Un espèce de Tunisien régularisé par la circulaire Valls, faut-il le rappeler. Et on pourrait se dire, ils ont pris des mesures pour pas laisser des femmes seules à l'accueil des commissariats de France et de Navarre. Eh bien, pas du tout. Rebelote, hein, c'est ça, exactement la même chose. Une femme seule à l'entrée d'un commissariat, voilà. T'as un nègre fou qui arrive. Et bon, il l'a visé à la cuisse, il l'a eu à la cuisse, mais il aurait pu viser la gorge. Enfin, voilà, donc on n'est pas passé loin. Il a pris son arme, et ensuite il s'est enfui, mais il a fait usage de l'arme. Hein. Sur des policiers, sur des gendarmes, il en a blessé deux quand même. Voilà, et en sachant que le nègre en question n'avait probablement jamais touché une arme de sa vie. Probablement, enfin, je veux dire, sauf si... Pas comme la policière, quoi. Non, sauf s'il a trempé, sauf s'il a trempé dans le deal, mais je veux dire, visiblement, c'était pas... Enfin, a priori, on doit se dire que ça n'était pas quelqu'un qui était très familier du maniement des armes. Et pourtant, il a réussi à prendre le flingue et à faire usage du flingue et à blesser deux gendarmes, quand même. Donc, ça va très vite, quoi. Non, mais il n'y a pas de femme, Gandalf, en fait. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Je connais un peu la mentalité de ces corps. C'est comme à l'armée, en fait, j'ai connu ça aussi. C'est on nous rabâche, t'as des officiers qui font des speeches. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Il n'y a que des soldats. Et puis, c'est une construction sociale. Quand vient le temps des épreuves sportives, là, pour le coup... Ah, c'est bizarre, ils font pas... Ah, c'est bon, étrange, c'est différent. Ouais, c'est pas le même... Les gens, ils vont nier la réalité biologique et puis ils vont foutre des femmes avec des armes et puis sans surveillance, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, messieurs, rubrique numéro 3, bouddhisme participatif. Eh ben, puisqu'on parle de la police, parlons-en plus à fond. Alors, on va aller à Belfort, c'est marrant ça. Alors, un policier là qui se fait taper sur les doigts, en fait, il va perdre son boulot. Voilà, au moins c'est simple. Alors, vous allez me dire, ben, non, il a dû commettre quelque chose de très grave pour perdre son boulot. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, voici. Donc ça, c'est l'Est républicain qui publie ça. Ce fonctionnaire comparaîtra le 16 juin devant le tribunal judiciaire de Belfort pour apologie de crimes contre l'humanité, rien que ça. Il est suspecté d'avoir dessiné une croix gammée sur le toit de la maison d'un de ses proches. Ses collègues considèrent qu'il est en fait victime. Durant son audition, le policier aurait avancé que la croix, donc gammée, s'était formée quand il remettait des tuiles arrachées par le vent. Le policier qui est convoqué devant le tribunal judiciaire de Belfort le 16 juin ne travaille pas au commissariat de Belfort mais dans une autre unité du Grand Est. En revanche, les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés dans une commune de l'agglomération belfortaine. Il est par ailleurs précisé que les faits ont eu lieu en dehors de ses fonctions. Selon nos confrères du journal Le Point, il est suspecté d'avoir dessiné une croix gammée de couleur claire de grande taille sur le toit d'un appentis contigu à la maison de son père, une demeure sur laquelle il faisait des travaux. Le signe nazi était visible de très loin et avait été découvert au début du mois. La croix gammée a rapidement suscité les réactions dans la commune concernée et une enquête des gendarmes de la brigade de recherche de Belfort a été ouverte. Cette croix a été photographiée. Les investigations visaient à déterminer si le suspect a effectivement dessiné la croix gammée ou, au contraire, s'il a été victime d'une vengeance. Plusieurs de ses collègues ne croient pas à sa culpabilité et lui ont apporté leur soutien. Après 20 ans d'ancienneté, il ne serait pas devenu nazi, déclare l'un d'eux sous couvert d'anonymat. On s'en serait aperçu avant. Durant son audition, le policier aurait avancé que la croix s'était formée quand il remettait des tuiles arrachées par le vent. Cette explication n'a pas convaincu le parquet. Il a estimé, le parquet, qu'il y avait des charges suffisantes pour le renvoyer devant le tribunal judiciaire de Belfort. Il répondra d'apologie de crimes contre l'humanité. Dans le même temps, le fonctionnaire a fait l'objet d'une enquête administrative de l'inspection générale de la police nationale. L'IGPN, la police des polices, doit déterminer s'il a respecté les limites imposées par le devoir de réserve. Lorsqu'il n'est pas en service, le policier s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République, précise l'article 434-12 du Code de déontologie de la police nationale. Ce texte indique que, je cite, « le policier ne se départ de sa dignité en aucune circonstance, en tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. À ce stade, l'IGPN aurait jugé le comportement du policier inacceptable au regard des règles déontologiques et aurait demandé la révocation du fonctionnaire, mais aucune décision ne sera prise avant la décision du tribunal judiciaire. Voilà. Alors, il a enlevé des tuiles, mais comme il fallait, mais mal, en fait. Il les a mal enlevées. du moins c'est ce dont on est. Et ça fait une croix gammée en fait. Ouais. Il y a des tuiles manquantes en fait. Il y a des tuiles manquantes sur le toit et ça fait une croix gammée. Voilà. Donc c'est ça l'objet du crime. Qu'est-ce que vous en dites de ça? J'ai connu l'IGPN personnellement beaucoup plus lente à la réaction, notamment dans toute la phase des gilets jaunes. Hein. On les, ils comprenaient pas. Il y a eu des centaines et des centaines, non des milliers de blessés, mais des centaines de personnes perdant un bras, un œil, etc. Avec ouais, il y a eu quelques tuiles, ouais. Ouais, on dit, allez, ouais, effectivement, on dit, allez, mais ouais, IGPN, et IGPN, non, il n'y a pas de... Alors là, par contre, l'IGPN, ils ont un dossier, mais comme ça, tu vois. Et ils ont déjà décidé, tu vois, le procès n'a pas eu lieu, le mec a déjà perdu son boulot, quand même. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Génocide par toiture. Bah, j'en pense que pour être accusé d'apologie de crimes contre l'humanité, faut vraiment pas grand-chose. Parce que là, c'est même pas un propos, quoi. Tu vois, genre, un truc carabiné, apologie du Troisième Reich. On l'accuse, il aurait dessiné une croix gammée avec des tuiles sur un toit. Et ben, bah, visiblement, ça suffit à lâcher un mec et à l'envoyer au tribunal, quoi. Donc voilà, ça donne un peu le ton. C'est un sketch de Dieudonné, encore une fois. Il était ouais. Sur avec Robert Forisson. Quelque part, dire j'ai mal, c'est un peu nier la souffrance d'autrui. Est-ce que c'est pas antisémite, nazi? Mais c'est la réalité rattrape la fiction. Hein. Non, mais enfin bon, je rigole, mais c'est pas rigolo parce qu'il y a quand même une Shoah par tuile. Voilà, c'est quand même souffrance. La tuile. Non, mais ça nous dit quand même beaucoup de choses. C'est anecdotique, mais ça nous dit beaucoup de choses. La disproportion de la réaction de l'État français, en soi, mérite qu'on s'y arrête. Hein. On aperçoit vaguement sur le toit une forme de croix gammée, et immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Au secours, le type est jugé comme un criminel. Apologie de crime de... même pas le, je veux dire, apologie de quoi, enfin, il y a un symbole sur son toit, c'est tout, je veux dire, bon, il pourrait très bien dire, bah non, mais c'est une croix solaire européenne, traditionnelle, voilà, j'aime bien ce symbole. Et qu'est-ce qu'on fait, je veux dire, non, c'est une croix gammée, mais non. Je suis bouddhiste. Non, mais je veux dire, voilà, donc ça déclenche des réactions complètement hystériques, ce qui nous en dit quand même long sur la nature du pouvoir en France, et sur ses priorités aussi. Donc on voit bien où il place ses priorités. Hein. Parce que dans le même temps, on est quand même dans un pays, c'est la France, où grosso modo, les bouillons et les nègres font n'importe quoi tout le temps. Hein. C'est quand même ça, la France. Hein. T'as des émeutes tous les jours, des viols, des agressions à gogo. Très peu se traduisent par des procédures judiciaires avec des condamnations. Hein. C'est la minorité des cas. Je parle même pas des multirécidivistes qui arrivent... qui ont des casiers comme ça, c'est la 50e fois qu'il passe devant un magistrat, c'est la 50e fois qu'on lui fait un rappel à l'ordre. Hein. Et là, t'as un flic qui a bossé pendant 20 ans, auquel on reproche grosso modo auquel on prête l'intention de glorifier le nazisme sur son toit. Bon. On est quand même sur la planète Mars, là, quand même. Faut bien le dire. On est quand même sur la planète Mars. Et comme quoi, hein, 20 ans de service, ça fera pas la différence. Hein. D'ailleurs, l'IGPN est très pressé de le virer. Hein. Il l'explique. Hein, il dit, voilà, bon, on attend le procès. Bon, mais on s'est entendu entre nous en loge. Hein, on a discuté. On est d'accord. Hein, bon, les frères du tribunal vont prononcer la décision, mais on est d'accord. Hein, il va perdre son emploi très, très, très, très vite. Quoi, voilà. Bon. Voilà. Je propose voilà. que l'on crée un haut commissariat à la surveillance des toitures, avec un sous-secrétariat aux tuiles et un autre sous-secrétariat aux ardoises. Je pense que l'État français, dans sa tradition, saura faire très très bien, en mettant des énarques en place, etc. Bravo, bravo. C'est même bizarre qu'il ne l'ait pas déjà fait, entre nous soit dit. Mais c'est à mettre... C'est une chasse à la sorcière. Hein. C'est le McCarthyisme, mais à l'envers. Hein. Vous connaissez le McCarthyisme, hein, ce président, ou je ne sais plus, fonctionnaire américain qui avait fait une chasse aux communistes durant la guerre froide. Alors souvent, ils nous le ressortent et tout, ouin, ouin, ouin, méchant, méchant. Aujourd'hui, c'est ça qu'on a, mais puissance 1000. Parce qu'à l'époque de McCarthy, on cherchait des gens qui avaient de façon manifeste des liens avec le communisme. Parce qu'ils avaient approuvé publiquement ou ils avaient défendu des idéologies. Là, on chasse les mecs qui font des dessins. C'est quand même 3-4 crans au-dessus. Et c'est partout maintenant. Je voyais l'affaire de ce brave homme, Jürgen Königs, a eu des conséquences similaires. C'est-à-dire que les militaires qui sont soupçonnés d'extrême droite en Belgique se sont vus interdire d'avoir accès aux dépôts, à certains dépôts d'armes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es suspecté d'extrême droite, bah, tu es traité comme un citoyen de seconde zone. On va te retirer des droits, on va te foutre sous enquête. C'est une chasse aux sorcières. Et elle est très très dure. Alors, extrême droite, l'accusation d'appartenance à l'extrême droite, il faut la traduire, ça sous-entend le fait d'être un blanc insoumis. D'être un rebelle blanc, en fait. Hein, c'est-à-dire de ne pas accepter d'être un esclave volontaire dans ce système. C'est-à-dire que si tu sors de la narration servie notamment par Macron en Afrique ou en Seine-Saint-Denis, par laquelle il place sur un piédestal les nègres ou les musulmans et l'homme blanc étant l'ultime enculé qui doit passer à la caisse, si tu refuses ça et que tu te tiens debout, tu es d'extrême droite, selon la phraséologie du système, ou tu es un fasciste, ou tu es un nazi. Et le moindre signe d'insoumission suffit effectivement à être victime d'ostracisme. Et là, dans le cas présent, l'homme va perdre son travail. Je veux dire, c'est pas rien quand t'as passé 20 ans, parce que je pense qu'il aime son métier, cet homme-là. Donc quand t'as passé 20 ans dans la police, a quand même, je pense, aidé pas mal de gens dans des situations difficiles. Alors, les policiers se sont récemment illustrés dans des configurations un peu nouvelles, c'est-à-dire en harcelant les gens au coin des routes ou bien en leur cassant la tête quand ils se plaignent de payer trop d'impôts. C'est vrai que, ou alors quand ils portent pas leur masque. La police a quand même changé significativement ces dernières années. Mais disons que cet homme-là, visiblement, en tout cas, avait fait ce qu'on attendait de lui, et bah, il va être cassé comme le dernier des lépreux. D'ailleurs, il a la lèpre, en fait. Il a la lèpre. Il a la lèpre, comme au Moyen-Âge. Il a la lèpre. Il devient un intouchable. On ne peut plus le fréquenter. Il ne peut pas avoir un métier. Il ne peut pas exercer une profession dans le service public, et voilà. Et maintenant, il va être mis au banc. Et quand on regarde le motif, bah, c'est ce que tu as dit, quoi. On est dans la chasse, dans une chasse aux sorcières, de plus en plus hystérique. Et il en faut très très peu, en fait. Il en faut très très peu. Alors imaginez quand c'est manifeste. C'est-à-dire que là, lui, je sais pas, est-ce que c'était une boutade, est-ce que c'était avec des collègues, il a dit, tiens les gars, regardez, j'ai enlevé des tuiles, ça fait une croix gammée, c'était ça, peut-être qu'il y avait un apéro chez lui, il a enlevé des tuiles, il a dit, regardez les gars, j'ai fait une croix gammée, et point barre. Et après, quand quand il s'est fait remarquer, le type avait même pas d'explication probante, parce qu'en fait, il a jamais calculé ou quoi, on n'en sait rien, mais ça suffit. Et imaginez quand vous dites, quand vous êtes plus articulé, que vous avez des convictions effectivement, et que vous dites, non, mais moi, sur tel ou tel point saillant, de l'idéologie dominante, vous refusez publiquement de vous soumettre, imaginez ce qui peut vous arriver. Voilà. Là, on en arrive à des niveaux de terrorisme invraisemblables, mais voilà, j'ai voulu citer cet exemple, qui était très révélateur de par son caractère grotesque, et en même temps par la très grande brutalité de ce qui arrive à cet homme. Parce qu'au final, il perd un emploi, je sais pas quel âge il a, mais... il a peut-être 45 ans ou 50 ans. Bon, vous imaginez, vous recyclez à 45 ans, 50 ans, il va faire quoi ? Il va probablement basculer vers la sécu. Bon, c'est pas ce qu'il avait envisagé, quoi. Voilà, donc faut quand même bien mesurer dans quoi on est actuellement, quoi. Voilà. Tout en rappelant, hein, dans le cas de la chapelle sur Erdre, qu'on a des nègres fous qui sont des braqueurs, qui sont des gens ultra violents, qui sont libres. Ils sont libres, voilà, ils sont libres, ils divaguent, on les dorlote, ils ont des gens qui s'occupent d'eux, etc. Voilà, donc il faut quand même voir dans quoi on est. Le gauchisme a atteint des niveaux en France qui sont absolument stratosphériques. Quelqu'un d'autre là-dessus ou pas? Non, mais la démocratie, nous, c'est plutôt la liberté. Contrairement à ces connards de nazis ou encore les Chinois, hein, nous on peut. Ah non, par contre les tuiles, non, on peut pas, non. Ça, on peut pas. Ça, c'est complètement fou aussi, c'est le fait que sur ta propriété, tu peux même pas faire ce que tu veux, quoi. Non mais imaginons, quoi, voilà, moi j'ai une propriété, j'ai envie de déployer un drapeau à croix gammée. C'est mon problème. Alors, au regard du droit français, normalement, vous avez le droit de le faire, à condition que ce soit pas visible de l'extérieur. Vous avez le droit d'avoir un drapeau à croix gammée pour peu que le public ne puisse pas le voir. Voilà, ça c'est la loi française aujourd'hui. Mais bon, vous imaginez bien que c'est vite réglé. Hein. Ah bah ouais, mais on peut le voir par hélicoptère. Vous voyez ? Donc en fait, quand t'es propriétaire de ta maison, tu peux même pas faire ce que tu veux. Donc on est quand même dans un état complètement bolchevisé, quoi. Tu ne peux absolument... Et même quand tu es soi-disant propriétaire, tu n'es pas propriétaire. L'État peut encore dire comment doit être foutu ta toiture. On en est quand même là, quoi. Je veux dire... Enfin, foutu ta toiture au sens du design, quoi. Je veux dire, tu ne peux même pas gérer le design de ta toiture. Moi, si j'ai envie de mettre une croix gammée sur ma toiture, je fais bien ce que je veux. Voilà, bon... Je sais pas. Je sais pas si les gens tiltent, je crois pas, parce qu'ils sont totalement zombifiés. De ce qu'on voit, on va parler d'un petit peu de la dimension sanitaire. Bon, vu comment les lemmings réagissent ou ne réagissent pas, bon voilà, je pense que pour eux, voilà. Ça me rappelle un peu une histoire un peu similaire qui s'était déroulée qui était en Alsace, C'était des Allemands qui avaient rendu hommage à des membres, je crois que c'était la division Das Reich, ou peut-être une autre division. C'était une stèle. Une stèle en mémoire de ces soldats-là, et qui avait été placé sur un terrain privé. Et il y a deux vieux cons de boomers qui sont passés par un chemin de traverse là, ils l'ont remarqué, et ils ont dit voilà, il y a un truc qui glorifie le nazisme, je sais pas quoi, et ils l'ont démonté. Alors que c'était sur un terrain privé. Et il y a eu une perquisition de police, etc. Enfin, c'était de la... Donc on est sur... Bon, je veux dire, voilà, donc... Bon, les droits de la propriété, machin, tout ça, voilà. Donc, non, la France est un pays communiste. Le préfet peut décider de ce que vous mettez dans votre jardin. We'll be right back. Rubrique numéro 4, tyrannie sanitaire. Alors, là, on passe à la vitesse supérieure, hein, très clairement en France. Bon, là, on va parler vraiment de notre actualité immédiate, du nouveau paradigme qui s'impose à nous tous, qui se déploie sous nos yeux. On rentre dans le dur, c'est clair, surtout avec l'entrée en vigueur du passeport sanitaire au mois de juin. Donc là, tout se précise. Mais une des grandes annonces de cette semaine, c'est l'autorisation par l'Union européenne de la vaccination des enfants de 12 à 15 ans. Alors je vous lis cet article, un extrait de l'article du site L'Internaute, qui nous parle de ça. Alors voici ce paragraphe. Les 12-15 ans pourront se faire vacciner par Pfizer BioNTech en France. C'est désormais acté. En effet, le régulateur européen a approuvé le vaccin anti-Covid-19 pour les 12-15 ans ce 28 mai. Pour le moment, les seuls mineurs qui pouvaient se faire vacciner contre le Covid-19 étaient les adolescents de plus de 16 ans atteints de maladies graves. Mardi, l'Académie nationale de médecine s'était déjà prononcée en faveur de la vaccination des adolescents et des enfants dès que les protocoles vaccinaux seront homologués dans ces tranches d'âge nécessaires pour l'acquisition d'une immunité collective, comme le rapporte LCI. Alors, effectivement, l'Académie des sciences, entre guillemets, avait demandé la vaccination quasi obligatoire, en fait, pour les enfants. Donc là, on est en train de basculer dans toute autre chose. Qui veut réagir là-dessus, la vaccination des enfants? Oui, d'ailleurs, première chose, c'est que par rapport aux parents, parce qu'on pourrait dire, oui, mais quand même, les enfants, ils sont sous la juridiction de leurs parents, c'est les parents qui devraient décider. Mais en fait, non, à partir de 10 ans, les enfants auront le droit, même si leurs parents sont contre, de dire bah, en fait, si, je veux me faire vacciner. Ouais, donc l'autorité parentale n'existe plus, quoi, en gros, quoi. Les enfants appartiennent à l'État parti, voilà, qui veut votre bien, qui veut vous protéger et qui veut vous injecter ce qu'il veut. Et puis, on ne connaît pas les conséquences à long terme, hein, mais comme l'a bien expliqué le professeur Montagnier, ouais, dans son entretien à François, ouais, par exemple, bon, on ne sait pas ce que ça va donner. Certains parlent de prions. Les prions, c'était ce qui s'était développé notamment au moment de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qu'on a appelé aussi la maladie de la vache folle. Qui était transmissible à l'homme sous certaines formes. Il pourrait s'agir de cancer, il pourrait s'agir de... On ne sait pas, mais en tout cas, des choses pas forcément très reluisantes et par définition que l'on ne peut pas connaître. Il faut souligner un truc qui est très important, c'est que la vaccination des enfants et des adolescents ne sert strictement à rien. C'est démontré statistiquement. Ils ne souffrent jamais de... Ils sont tous asymptomatiques. Les cas de décès d'enfants ou d'adolescents sont infinitésimales. Les gros contingents de gens qui meurent du Covid-19 quand ils en meurent, et c'est pas fréquent, c'est, comme on l'a dit souvent ici, c'est les plus de 80 ans. Hein. Le patient moyen qui décède en France du Covid-19 a plus de 80 ans. Et il souffre de comorbidité. Évidemment, à 80 ans, on a des maladies. Hein. On peut avoir un cancer, insuffisance cardiaque, diabète, simplement dégradation générale du système immunitaire, etc. Donc ça, c'est l'âge médian. Bon, il y a des gens qui meurent un petit peu avant, des gens entre 60 et 80. Bien, on pourrait dire, si on achetait même le discours officiel, on pourrait dire, bon, ah ok, d'accord. Pourquoi ne pas vacciner les 60 ans et plus? Bon, ça pourrait être défendu rationnellement, si on veut. Là, on nous explique, non, il faut absolument, impérativement vacciner les enfants. Alors non, mais pourquoi? Immunité collective, et pourquoi? Puisque vous avez des nouveaux variants qui apparaissent constamment, et qu'on nous explique précisément qu'il va falloir faire un update vaccinal chaque année. Hein, on nous dit 3 piqûres, c'est ce que nous dit Pfizer d'ailleurs, dirigé par Bourla, hein, le juif grec Bourla, qui nous dit, qui milite hein, pour 3 piqûres par an, en sachant qu'ils mutent, un peu comme la grippe. Donc, on part sur un rythme de vaccination très intense, déjà. Et quel est l'intérêt, dans ces conditions, de vacciner des enfants qui ne souffrent pas de cette maladie et qui ne sont pas censés la transmettre particulièrement parce que les autres sont censés être vaccinés, déjà. Parce que toute la population âgée ou susceptible d'en mourir est vaccinée. Donc quel est l'intérêt de vacciner les enfants? On voit bien qu'il y a autre chose. Ça ne se justifie pas médicalement, on est bien d'accord. Ça n'a aucune justification médicale. Et ils veulent le rendre obligatoire. Et ils n'en font pas mystère. Mais ceux qui ne tiltent pas là-dessus, je veux dire... Enfin, ça doit faire tilter les gens, quand même. Au bout d'un moment, ça doit quand même faire tilter les gens. Pourquoi tu vas vacciner des gamins ou des adolescents qui ne souffrent jamais du Covid? Pourquoi tu vas les vacciner? Quelle est la motivation réelle? Cette histoire d'immunité collective, c'est complètement bidon. C'est quoi le... Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Bon, je vous donne peut-être la parole là-dessus, mais là, pour moi, il y a un gros red flag, là. Là, on les voit arriver, quoi. Parmi les effets secondaires nocifs, on suspecte aussi quand même des cas de stérilité. Hein. Ça empêcherait l'ovocyte d'accrocher au niveau de l'utérus, là où doit se développer le placenta. Hein. Donc, c'est stérilité à tous les coups. Hein. Oui, c'est exact. Il y a plusieurs médecins qui en parlent. La protéine Spike est contenue dans les vaccins qui se fixerait soit chez les ovaires chez la femme, soit aussi sur les testicules chez l'homme. Et par exemple, il y a une docteure américaine qui résume ça, qui s'appelle Northrup, qui dit « Je crains que la génération actuelle ne puisse pas avoir d'enfants ». Alors si ça c'était vrai, ma foi, les calculs que l'on fait concernant la démographie seraient complètement... remise en cause, en tout cas, ce serait peut-être la fin de l'espèce humaine. Alors, on n'est pas encore là, évidemment, mais on va tellement loin depuis 15 mois que, jusqu'à présent, sachant que tout ça est piloté par les élites mondialistes, dont on peut supposer quand même qu'elles ne veulent pas notre bien qu'elles veulent... Elles répètent systématiquement qu'elles nous protègent et tout ça, mais on peut craindre le pire. D'autant plus que si on achète le discours officiel... concernant l'obligation vaccinale pour les personnes âgées, qui sont, comme l'a rappelé Gandalf, les seules personnes en fait qui sont vraiment touchées par le coronavirus, d'accord, en termes de mortalité, de complications, mais ce qui est normal, comme c'est comme la même diagnostic se fait pour les personnes âgées qui échappent la grippe. Pour nous, bien sûr, on n'est pas spécialement concerné, s'inquiète pas si on échappe la grippe. Si vous avez 80 ans, c'est notre histoire. Bon, alors même en achetant ce discours-là pour les personnes âgées. On pourrait à la limite se dire bon bah s'il y a des problèmes de on va dire de fertilité ou de risque de développement de cancer sur 20 ans, si c'est une personne âgée le sujet, bon bah c'est pas grave, vous doutez bien que ces problèmes ne les concernent pas. Mais là bon c'est des gosses, je crois qu'on est c'est quoi le taux de mortalité pour les moins de 18 ans, je crois que c'est un truc c'est proche de 0, 0, Ouais, 0,05, je crois. Non, mais moins, mais moins que ça. Hein. C'est vraiment infinitésimal. Dérisoire. Dérisoire. Donc, pourquoi? Surtout si les gouvernements européens ne sont pas tous d'accord sur le taux d'effets secondaires de la population et les risques à long terme. Certains osent en parler un peu plus que d'autres, mais et ceux qui en parlent disent, bon, bah, il y a quand même certaines interrogations, c'est le maximum de ce que j'ai pu lire en tout cas. Bon, bah, s'il y a des interrogations et que du coup il y a peu de mortalité pour les enfants, il y a quand même un principe de précaution à prendre, quoi, qui n'est pas pris. Hein. Non, mais tout, rien ne tient debout dans cette histoire, même la vaccination des personnes âgées. Attention, on parle de personnes qui ont plus de 80 ans. Le pic de mortalité de la maladie, c'est sur des personnes qui ont dépassé l'âge d'espérance de vie, c'est-à-dire 84 ans et quelques. C'est le très grand âge. Mmh. On peut quand même se poser la question de l'intérêt de la vaccination chez des gens qui sont tellement âgés que la réponse immunitaire, on peut s'interroger. Hein. Est-ce que réellement, ces gens-là sont encore en état de réagir à une vaccination à un si grand âge? Moi, je vous le dis, rien ne tient debout dans cette histoire. C'est ça le cœur du problème, hein. Je vais donner d'autres éléments bien sûr dans la discussion, mais de toute façon, depuis le début, avec l'histoire du virus, et il faut dire que c'était bien trouvé de leur part, vous vous enfermez dans des discussions à caractère sanitaire. Et le système aura toujours beaucoup plus d'experts à vous aligner pour vous noyer sous un flot permanent de pseudo-arguments, de tout un flot de discussions à caractère médical, et les gens sont simplement dépassés. Ils ne peuvent pas répondre. Il y a ce sentiment que vous ne savez pas, donc a priori, vous faites confiance. D'accord ? Vous voyez un machin, il s'appelle Docteur Truc. Voilà, puis alors il y a Docteur X, Docteur Y, Docteur B, Docteur machin. Ils défilent sur tous les grands plateaux de télévision. Vous avez les grandes plateformes comme YouTube, Facebook qui soutiennent à fond. Évidemment le discours, la narration officielle sur la nécessité de la vaccination, sur l'interprétation de ce qu'est ce qu'implique ce virus au quotidien, les modifications de l'ordre social que ça implique, qu'au bout d'un moment les gens ils capitulent en fait. Ils capitulent parce que voilà, leur sens critique est saturé. Il y a une espèce de brouillage radar, du radar du mec lambda, de la personne lambda, qui fait que, bon, au bout d'un moment, elle abandonne. Mais quand vous creusez, vous dites, mais en fait, c'était bien trouvé, parce qu'en termes de brouillage radar, c'est très efficace. Parce que vous tournez en rond en parlant de... dans une discussion médicale, ça va être... tout le monde va devoir s'improviser expert médical. Or, comme tu le dis aussi, Porovitch, c'était pas l'objectif de ces gens n'est pas de nature médicale. Ce qu'ils veulent, c'est contrôler les populations. C'est ça la vraie discussion qui devrait avoir lieu, en fait. Et c'est la discussion qu'ils cherchent à éviter à tout prix, en enfermant les gens dans les questions de vaccination, dans les questions de mortalité, dans les questions d'hospitalisation, dans les symptômes durables, etc. Que moi, je ne nie pas. Hein. J'ai jamais nié l'existence du virus. Par ce biais-là, grosso modo, tu neutralises 95% de l'esprit critique des gens, voilà, qui vont tourner en rond dans cette discussion sans fin. Et voilà, et ça marche. Parce que ils déploient le passeport sanitaire, et la discussion, c'est est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile. Mais je veux dire... En soi, c'est inacceptable. Il y a 2 ans, on aurait dit aux gens qu'ils auraient eu besoin d'un passeport pour aller assister à un concert. Ils n'y auraient pas cru. Voilà. C'est ça la force du discours sanitaire. Le discours sanitaire permet à des experts de faire taire tout le monde. Justement, à propos de ce que tu racontes là, on a le cas justement en Belgique, qui est peut-être moins connu en France, mais... Vous avez entendu parler de l'affaire, on l'a cité tout à l'heure, de la fuite de ce militaire, la Jürgen Konings. Le type, au départ, ce qu'on lui reproche, c'est, entre autres, bon, il a volé des armes, il a déserté, en fait, hein, mais il a surtout menacé l'expert numéro 1 en Belgique, qui est un expert dans le cadre de la pandémie du Covid, qui s'appelle Mark Van Ranst. Je ne sais pas si on a déjà exposé l'affaire ici dans l'émission. Oui, on en avait parlé la semaine dernière. Oui, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Simplement rappeler que le Mark Van Ranst en question, en 2019, fait une conférence à Londres, devant tout un parterre d'invités, et il explique ce qui a été observé en 2009 lors de la pandémie H1N1, et que le seul moyen, je résume, hein, le seul moyen de prendre en main une pandémie de façon généralisée, publique, par un État ou quoi, eh bien, c'est la stratégie de la peur. Il faut inquiéter les gens, il faut les faire trembler, il faut les faire craindre de devenir malade. Et tout repose là-dessus. Or, c'est ce monsieur qui, aujourd'hui en Belgique, se retrouve être le numéro un des experts de l'État belge dans le cadre de la pandémie. Oui, donc il est au cœur de du management par la peur, en fait, par la terreur même. Exactement, il l'expose en mots clairs, hein, il n'y a même pas besoin de comprendre entre les lignes, il le dit ouvertement. Oui, donc c'est un partisan de l'utilisation de la terreur. C'est ça. Voilà, donc c'est un terrorisme d'un nouveau genre, un terrorisme sanitaire, c'est de la guerre psychologique pour soumettre les populations. Voilà. En fait, on trouve sa vidéo sur Internet, soit en partie, soit complète, mais on la trouve facilement sur Internet. Marc Van Ranst. Oui, je voudrais reparler un petit peu des traitements, alors pas dans le détail, mais disons que la mise en place, la mise sur le marché, comme on dit, même si elle est provisoire, elle s'étend quand même, on le voit, à toute la population maintenant, y compris les très des jeunes, des enfants presque. Cette mise sur le marché des vaccins ne pouvait être possible que à condition d'admettre qu'il n'y a aucun traitement efficace contre cette maladie qui est le Covid-19. Mais en fait, il y en a, ça fonctionne, il y a des pays qui l'utilisent. Même si les médias mainstream vont chercher à truquer en disant que c'est là où on est le plus vacciné, qu'on est le plus libre et qu'il y a le moins de virus, c'est pas vrai. Il y a des rebonds de l'épidémie suite à des vaccins et il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins. Hein, je ne fais que citer, mais l'ivermectine, l'hydroxychloroquine et tout ça sont des choses qui fonctionnent bien, ou même à supposer que ça fonctionne pas toujours sur tout le monde. Vous aviez la possibilité de vous appuyer sur les médecins généralistes qui, eux, en leur âme et conscience, auraient pu décider si leurs patients auraient pu, oui ou non, recevoir ce traitement. Mais tout ça donc on a dissuadé les gens, voire on a interdit parfois même ce genre de traitement. Et quand les gens le faisaient, quand les médecins le faisaient quand même, ils ont parfois été déférés devant l'ordre des médecins. À l'inverse, si les médecins décident de vacciner, on leur a offert des ponts d'or, on leur a offert des journées à 1000 euros, des journées super bien payées pour vacciner tout le monde. Et là, ils reçoivent ensuite, à l'issue d'une campagne de vaccination, ils reçoivent une prime supplémentaire. Donc là, on voit bien que la corruption des... Bon, il y a évidemment ceux qui passent sur les plateaux télé, qui sont quelques-uns, les Gilles Pialou, les... Jiali Annan, il y en a plusieurs, mais Blachier, Karine Lacombe, mais aussi il y a le médecin du quotidien qui lui est corrompu d'une manière ou d'une autre et on le paye pour qu'il aille dans le sens gouvernemental. Oui, non, mais tout à fait. C'est tout à fait évident. Alors, manipulation de l'opinion, organisée au plus haut niveau, vous le savez. Les réseaux sociaux ont joué un rôle très important là-dessus, YouTube en tête, partenaire officiel d'ailleurs de l'OMS, qui est principalement financé par Bill Gates, en tout cas en second rang après les États-Unis. Donald Trump avait retiré le financement des États-Unis de l'OMS, mais Biden l'a rétabli bien sûr, mais en tout cas aujourd'hui, Bill Gates est un faiseur de rois à l'OMS, c'est lui qui a fait élire l'actuel directeur de cette organisation transnationale. Et donc, il y a la fabrication du discours autour de la pandémie par ces plateformes. Bon, je vous découvrez rien, bien sûr, mais il y a, accompagnant ce discours officiel, porté par les réseaux sociaux, donc à coup de promotion de contenu avec des algorithmes, etc., on met en avant des gens qui en parlent d'une certaine façon, ou du contenu officiel ou institutionnel sur le sujet. Et aussi, on a à l'inverse la pénalisation de ceux qui apportent un discours critique. Et vous savez comme moi que sur Facebook comme sur YouTube, il est très difficile aujourd'hui de pouvoir créer une chaîne alimentée régulièrement qui a un discours critique sur l'interprétation qui est faite de ce qu'est réellement la pandémie de Covid-19, entre guillemets. Et là, on a eu un rétropédalage de Facebook qui est tout à fait marquant, puisque vous savez que ces gens, donc Facebook notamment, travaillent en lien avec plusieurs médias subventionnés par l'État, donc des médias d'État français, pour faire du fact-checking, la vérification de faits. On y retrouve notamment des journalistes du Monde, de Libération et de quelques autres publications. Et ces gens-là, en fait, vont, en gros, veiller à ce que les contenus jugés comme déviants par le pouvoir en place soient censurés. Et Facebook vient de faire vraiment un volte-face sur sa politique par rapport à l'interprétation qui était faite de l'origine du virus de Covid-19. C'est très très intéressant, parce que ces gens ont, avec beaucoup d'énergie, censuré tous ceux qui disaient que le Covid était originaire du laboratoire de Wuhan, en Chine. et en tout cas qu'il était d'origine artificielle. Tous ceux qui le disaient étaient traités de complotistes, conspirationnistes, étaient censurés, voyaient leurs chaînes sauter, leurs vidéos supprimées, et ils étaient ensuite suspendus de ces plateformes. Et on justifiait ça, enfin Facebook ou YouTube justifiait ça en disant que il s'exprimait du haut de l'expertise la plus reconnue, soit de l'OMS, soit de la presse établie, etc. Donc ils étaient infaillibles, ils prétendaient à l'infaillibilité, et du haut de cette infaillibilité, censuraient les contenus qui n'abondaient pas dans leur sens. Et là, Facebook a fait une annonce tout à fait intéressante, je vous cite ça. C'est cité par le site politico.com, c'est en langue anglaise mais c'est traduit en français. Le président Joe Biden a déclaré mercredi qu'il avait ordonné à la communauté du renseignement, donc au renseignement américain quoi, de redoubler ses efforts pour découvrir l'origine du virus et de faire un rapport dans 90 jours. Monsieur Biden a également révélé que la communauté du renseignement est partagée entre deux théories sur l'origine du Covid-19 et a déclaré que l'examen portera sur la question de savoir s'il a émergé, donc le virus, d'un contact humain avec un animal infecté ou d'un accident de laboratoire. Le soutien bipartisan se renforce également au Capitole, donc au Parlement américain, en faveur d'une enquête du Congrès. Donc, Sénat et Chambre des représentants. Mais ces derniers temps, l'accent a été mis sur l'idée que le virus ait pu s'échapper accidentellement du laboratoire, et non qu'il ait été fabriqué par l'homme ou libéré à dessein. Alors ça, c'est eux qui le disent. Hein. Des théories qui pourraient maintenant se propager sur Facebook. Les études génétiques du virus ont révélé des failles dans la protéine qu'il utilise pour se lier aux cellules humaines. Ce sont des caractéristiques que quelqu'un essayant de concevoir une arme biologique aurait probablement évité. L'évolution des définitions des médias sociaux. Donc on arrive en cœur du sujet. Facebook a annoncé en février qu'il avait élargi la liste des allégations de santé trompeuses ou mensongères qu'il supprimerait de ses plateformes pour y inclure celles affirmant que le Covid-19 est fabriqué par l'homme. Le géant de la technologie a mis à jour ses politiques contre les informations fausses et trompeuses sur le coronavirus, y compris sa liste permanente d'allégations démenties, au cours de la pandémie, en consultation avec les responsables de la santé mondiale, donc l'OMS. Mais un porte-parole de Facebook a déclaré mercredi que les discussions, donc sur l'origine du virus, avaient été rayées de cette liste en raison de la reprise du débat sur les racines de ce même virus. Alors là, je cite un responsable, « À la lumière des enquêtes en cours sur l'origine du Covid-19 et en consultation avec des experts en santé publique, nous ne supprimerons plus de nos applications l'affirmation selon laquelle le Covid-19 est d'origine humaine », a déclaré le porte-parole de Facebook dans une déclaration envoyée par courriel. Nous continuons à travailler avec les experts de la santé pour suivre l'évolution de la nature de la pandémie et mettons régulièrement à jour nos politiques à mesure que de nouveaux faits et tendances apparaissent, etc. etc. Alors voilà, donc la question se pose d'ailleurs dans l'article ensuite de savoir si Twitter va suivre la même politique et d'autres plateformes. Mais voilà, on nous dit, voilà, bah en fait non, ce que vous disiez hier, c'était qualifié de conspirationniste et c'était censuré. Sur la plateforme Facebook. Aujourd'hui, on a discuté avec l'OMS, probablement aussi avec le gouvernement américain, eh bien non, en fait, on peut discuter de l'origine du virus, c'est parfaitement autorisé, vous pouvez dorénavant l'exploiter. Donc, le vendredi, vous êtes conspirationniste, le samedi, vous ne l'êtes plus. Ces gens-là prétendent à l'infaillibilité. Et c'est à ce titre-là, au titre de cette infaillibilité, qu'ils vous censurent. Voilà, alors ça c'est un revirement tout à fait frappant, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez subi cette censure, en tout cas on a eu de très nombreux exemples de vidéos qui sautent, hein. La chaîne de France Soir a été souvent victime de censure, il n'y a pas qu'elle, hein. Il y en a d'autres, hein. Il y a aussi le professeur Raoult aussi qui a eu des vidéos qui ont été censurées puis remises en ligne par YouTube, enfin bon c'est un pas de caisse, mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, j'aime bien les fact-checkers, les journalistes qui, eux, ils savent. Vous voyez, vous savez pas. Vous êtes des cons de goy. Nous, on est journalistes. Vous savez, on est des intellectuels, on sait. Donc, ils avaient fact-checké cette histoire de virus créé en laboratoire. Le titre des décodeurs, donc les décodeurs, c'est les fact-checkers du monde, c'était « L'étrange obsession d'un quart des Français pour la thèse du virus créé en laboratoire ». Et donc, bah ouais, petit changement de veste. Et en fait, ils ont mis à jour l'article le 25 mai de cette année, très récemment, donc, pour dire oui, bah en fait, non, oui, en fait, bah voilà, en fait, comme l'a dit Gandalf, le conspirationnisme, c'est à géométrie variable, quoi. Ouais, c'est intéressant ça. Donc, faut noter la phraséologie utilisée par les journalistes du Monde. l'étrange obsession. Notez la psychiatrisation des personnes qui s'interrogent. Vous voyez, quand tu te poses une question, quand tu dis, voilà, non, je pense que c'est originaire de laboratoire. Moi, j'ai dit ça depuis le départ. Pratiquement. Bon, je veux dire, en tout cas, je tiens depuis un bon moment l'origine l'origine du virus. Enfin, je pense depuis un bon moment que le virus provient de ce laboratoire. Et je suis pas le seul, bien sûr, mais ces gens-là, quand tu tiens des propos comme ça, quand tu tenais des propos comme ça, vous avez une obsession. L'obsession, c'est un terme psychiatrique. Il y a vraiment une psychiatrisation de la pensée critique. Voilà, si tu as une pensée critique, tu as un problème psychiatrique. C'est ce que disait Le Monde. Voilà, l'étrange obsession de 25% des Français pour blablabla, blablabla, blablabla. Tu vois, c'est pas du tout neutre comme formulation, quoi. Ces gens-là, ils te balancent ça dans la gueule, ils te font des articles à gros titres en disant « Ouais, non, mais c'est du fact-checking. » En plus, il y a la prétention à savoir. Ah oui, ils infantilisent, hein. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est le... Voilà, on fact-checked, on vérifie. Tiens, non, mais attends. Nous, on sait, quoi, on sait. Voilà. Ces journalistes ont peur parce que maintenant, il y a beaucoup de citoyens, en fait, qui peuvent faire leur boulot, mais en mieux, quoi. Parce que finalement, un journaliste officiel, c'est un type qui va à la gamelle, qui est là finalement pour répéter, colporter, comme dans les sous-marins en fait. Vous savez, il y a l'écho, il y a le capitaine qui donne un truc, et puis après il y a tous les gens qui répètent derrière. Mais en fait, les journalistes, c'est ça, c'est des mecs qui répètent un peu la propagande gouvernementale en mettant un peu de sauce à gauche ou à droite, hein, ça dépend. Mais maintenant, les citoyens, ils peuvent partager l'information sans les journalistes. On a tous des smartphones, hein, il n'y a plus besoin d'eux, et sans avoir le vernis mensonger au-dessus, quoi. Voilà. Enfin... Oui, disons que. Ouais, une petite chose, c'est que c'est l'expertocratie, hein, les fact-checkers sont une extension de ça. Le gouvernement s'appuie aussi sur des experts qui font défiler. Ils disent oui, les experts nous ont dit qu'il fallait confiner, sinon nous aurions tant et tant de milliers de morts. En fait, c'est les experts qui sont choisis à dessein et qui, qui sont chargés de trouver ce que l'on recherche. Ils sont là pour justifier une politique qui est déjà décidée à l'avance. Et d'une certaine manière, un petit peu comme en Union soviétique. Alors il y a un nom qui est connu, c'est celui de Lysenko, qui avait pensé que la biologie expérimentale n'existait pas, puisqu'il avait pensé que la biologie expérimentale n'était pas compatible avec le marxisme. Donc par conséquent, c'était faux et tout ça. Donc bon. Mais là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les experts sont soigneusement sélectionnés sur par exemple l'hydroxychloroquine, sans vouloir trop longtemps en parler, mais il existe des dizaines d'enquêtes là-dessus, d'études. Certaines disent que ça fait pas grand-chose, mais il y en a quand même, en gros, les deux tiers qui disent que ça a quand même une efficacité dans le cas du Covid-19. Alors, évidemment, on va pas vous parler d'une étude iranienne qui va en faveur de l'hydroxychloroquine. Alors, pourquoi les Iraniens seraient différents des autres? Simplement, l'Iran est un pays un peu à part, pour des raisons que l'on sait. Donc, eux sont peut-être moins soumis à Big Pharma. Donc, peut-être, ils ont été amenés, les scientifiques iraniens qui ont été amenés à travailler sur ce sujet, sont peut-être arrivés à une conclusion plus facilement, une conclusion opposée à celle de l'OMS. Alors là, Alexis, il est bien vu, effectivement. Souvenez-vous, lors de la fameuse première vague, de l'interview qu'avait accordé le professeur Didier Raoult à Ruth Elkrief, et l'autre journaliste de BFM TV, Margot de Frouville. Voilà. Cette Margot était présentée comme l'expert santé de BFM TV. C'était son sous-titre à chaque fois qu'elle passait sur le plateau de BFM. Experte santé. Mais en fait, cette nana-là, elle a une demi-licence en droit. D'accord, vous comprenez ? Elle est experte en santé sur une chaîne nationale de grande ampleur avec une énorme audience. Elle a une demi-licence en droit, d'accord. Donc c'est ça les fameux experts. Elle est sur BFM TV parce qu'elle est bonne, simplement. C'est sa seule qualité, en fait. Voilà. Non, c'est vrai, c'est parce qu'elle c'est une jolie fille et puis elle sait bien s'exprimer. D'ailleurs, Raoult l'avait remis à sa place. À chaque fois qu'elle posait une question conne, enfin à chaque fois qu'elle posait une question d'ailleurs, c'était ça n'a pas de sens ce que vous dites. Il l'a envoyé chier. Ça a bien fait plaisir d'ailleurs. Ouais. Oui, disons qu'il y a une fabrique du consentement, c'est-à-dire qu'on amène les gens dans le maelstrom médiatique, le bombardement sans cesse, on les amène finalement dans des corners idéologiques, on pourrait dire, où finalement la question ça devient, Est-ce que vous voulez un pass sanitaire vert ou un pass sanitaire jaune? C'est un petit peu la question. Il y a des gens qui sont complètement paumés, puis qui n'ont pas. C'est un peu dommage parce que sur Internet, avec assez peu de recherches, YouTube censure beaucoup, mais Odyssée censure peu, voire pas du tout. Rumble également. Bon, et vous pouvez consulter. Alors, bon, il y a Christian Perron, bon, Raoult, on a déjà dit. Bon, il y a quand même des gens, Louis Fouché. Bon, ces gens-là, évidemment, on peut avoir des réserves, mais il n'empêche qu'ils offrent une autre narration en disant non. Il y a des traitements, ne vous inquiétez pas, le confinement n'est plus nécessaire, prenez quelques précautions, d'accord, ne vous inquiétez pas, vous pouvez revivre, mais à condition de. Par contre, méfiez-vous du vaccin et tout ça. Donc, il y a des gens qui offrent une autre narration, mais ces gens-là, et c'est dommage, parce qu'il suffirait en quelques clics, on peut accéder à ça, puis il y a des gens qui manquent malheureusement de curiosité intellectuelle. Ou d'accès aussi, parce qu'il y a une censure quand même très active. Hein. Ça joue. Moi, j'ai deux choses à dire. Premièrement, si ces gens se sont plantés comme Facebook, enfin, parce que Facebook, en fait, ne s'excuse pas, ça c'est fascinant. Hein. Les types ont censuré agressivement des gens qui se sont posés des questions, ont fait preuve d'esprit critique. C'est maintenant admis, pour des raisons purement politiques d'ailleurs, hein, par le gouvernement américain. En tout cas, la thèse n'est plus rejetée. Ces gens ont été agressivement censurés. Où sont les excuses de Facebook, de YouTube, etc. Vous pouvez toujours attendre avant d'en recevoir. S'ils se sont plantés là-dessus, qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne se sont pas plantés sur d'autres questions, notamment la question de l'immigration? Moi, quand je vois Facebook censurer à tour de bras tous les propos qui sont critiques sur la question d'immigration, d'islam, de diversité raciale, etc., qu'on ne peut plus s'exprimer librement sur aucune question, même sur le révisionnisme historique, c'est interdit maintenant, on ne peut même pas. Visiblement, ça pose problème. Hein, on s'interroge sur. Parce que c'est ça qu'on voit, hein, Facebook applique la même politique sur la question du Covid-19 que sur les chambres à gaz alléguées d'Adolf Hitler. Et alors, sur le Covid-19, ça a été un peu plus rapide, hein, il y a eu un revirement. Moi, je dis, bon, a priori, s'ils se sont plantés sur le Covid-19, qu'est-ce qui nous dit que sur d'autres questions sur lesquelles ils pratiquent une censure extrêmement agressive, il n'y a pas anguille sous roche non plus, je veux dire. Voilà. Ça, c'est la Non, première mais là, c'est question. sûr. Là, c'est non, mais il y a des preuves, il y a des preuves. l'aléa moral, c'est ce que je veux dire. Et deuxièmement, les conflits d'intérêts. Mark Zuckerberg est quelqu'un qui a revendiqué son alliance en faveur de la production de vaccins avec Bill Gates. C'est une annonce qu'on a retrouvée dans toute la presse internationale. C'est des gens qui travaillent, qui font du business dans le monde du vaccin, avec Big Pharma, et ils contrôlent ces réseaux. Je veux dire, là, on a affaire à des collusions, mais absolument manifestes, reconnues, indéniables. Et c'est ces gens-là qui façonnent le discours. Je veux dire, donc on est dans ce monde-là. On est dans ce monde-là où tous les réseaux de communication sont contrôlés par eux, et tout le discours sanitaire est fabriqué par eux, et ensuite toute la, j'allais dire, tout l'appareillage de prise en charge de la population sanitaire, que ce soit pour la vaccination, la surveillance, ils en sont également partie prenante. Donc, je veux dire, ces gens sont jugés partis. Ça ne devrait même pas pouvoir être possible. Or, c'est ce qui se déroule sous nos yeux. Et on nous dit, ouais, mais la démocratie, vous comprenez, comment dirais-je, la neutralité de l'État, l'impartialité de l'État, la lutte contre les fake news, etc. Mais de qui on se fout? Je veux dire, on est dans une arnaque complète. On n'a pas besoin d'être très versé dans les questions politiques pour s'en rendre compte. Je viens de donner l'exemple avec Zuckerberg. Il produit les vaccins, il est interdit de critiquer la vaccination. Oui, donc il veut me vendre un truc et il interdit que je critique son produit. Bon, ouais. Oui, c'est interdit par la loi ce genre de truc, normalement, vous voyez. Bah non, comme ils sont très puissants, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent en France, ils font ce qu'ils veulent dans l'Union européenne, ils font ce qu'ils veulent en Amérique du Nord et partout où ils ont la mainmise, quoi. Voilà. Voilà dans lequel on est, dans quel univers on est. Et c'est les mêmes gens qui nous disent, voilà, ouais, maintenant la vaccination des gosses. Évidemment, bah oui, évidemment la vaccination des gosses. Oui, mais c'est. Pourquoi vous me posez même la question, vous voyez? Et je suppose, d'ailleurs, je ne me suis pas intéressé à ça, mais je ne sais pas si des gens ont été sanctionnés pour ça, mais j'imagine que ceux qui diront attendez, non, vacciner les gosses, ce n'est pas possible, dans quelques semaines ou quelques mois, ils se feront brutalement censurés aussi. En disant oui, mais mise en danger de la vie d'autrui. Voilà où on en est. Oui, même quand vous sourcez votre propos, si vous dites par exemple que Michael Yeadon, qui apparaît notamment dans Hold Up, donc est un Anglais d'origine, qui travaille pour Pfizer jusqu'en 2011, qu'il a quitté, il a expliqué que les gens qui ont été vaccinés auraient probablement des très graves soucis de santé dans les 3 ans. Bon. Les interviews sont disponibles à l'oral comme à l'écrit. Bon, il a dit ça en substance. Si vous dites ça, vous pouvez être tout à fait supprimé, alors que vous êtes inspiré de quelqu'un qui est reconnu, qui a été l'adjoint, je répète, directeur adjoint de Pfizer il y a une dizaine d'années. Et en fait, oui, il y a des choses qu'on a le droit de voir et des choses qu'on n'a pas le droit de voir, quoi. C'est un petit peu. C'est une transformation curieuse de la réalité. Bon, après, il y a aussi un autre sujet. Bon, ça prendrait peut-être un petit peu de temps, mais disons qu'ils ont un des rocs sur lesquels ils ont bâti leur discours, c'est le fait de dire, mais regardez, si avant, il y avait des maladies graves, on les a éradiquées, c'était des vaccins. Bon, grâce à ça, sinon, il n'y aurait pas eu d'éradication. C'est pas vrai. Bon, je peux prendre des citations, bon, mais ça prendrait un peu de temps peut-être, mais bon, de gens qui ont, par exemple, sur la variole, qui ont vacciné dans un premier temps parce qu'on leur demandait de le faire, c'était il y a longtemps, hein, ça pouvait, parce que la vaccination contre la variole, ça datait des années 1850 déjà, mais un siècle plus tard, nous n'avions toujours pas éradiqué cette maladie. Et même, par exemple, un médecin allemand, Bourvald, qui avait commencé sa carrière de jeune médecin juste après la guerre, avait remarqué qu'il y avait toujours des morts de la variole, et quand il avait regardé les archives médicales, il avait vu que tous ceux qui étaient morts de la variole avaient été vaccinés contre la variole, et qu'au contraire, ceux qui avaient réchappé étaient des gens qui, parce qu'ils venaient par exemple d'Allemagne de l'Est ou d'autres régions, n'avaient pas été vaccinés pour des raisons politiques, etc. Donc en fait, il y a tout un tas de choses qu'on nous interdit de voir, mais. Bon, c'est très inquiétant. J'espère quand même, je prie pour que les gens qui ont été vaccinés n'aient pas de soucis de santé. Bon, certains en ont déjà eu, donc ça c'est fait, mais bon. Oui, c'est ce que disait le professeur Luc Montagnier dans sa dernière intervention. C'est un esprit très brillant, très articulé. Il a 88 ans, il s'exprime très très bien. Très grande lucidité, très grande vivacité d'esprit. Ça force l'admiration. Et il dit, on a un vrai danger, difficilement quantifiable par définition, de répercussions génétiques sur plusieurs générations. C'est-à-dire que là, les laboratoires de Big Pharma jouent aux apprentis sorciers. Parce que avec l'ARN messager, peut y avoir vraiment un impact sur l'ADN sur plusieurs générations. Il avait donné notamment l'exemple dans son intervention, il donnait l'exemple du glyphosate en disant le glyphosate, on en a la démonstration, impacte l'ADN sur plusieurs générations. Et la question est ouverte de savoir si ce vaccin, enfin ces vaccins faits à la va-vite, ne vont pas générer de répercussions. Si c'est pas sur cette génération, c'est la génération suivante. Je veux dire, on ouvre des possibilités qui sont effrayantes, je veux dire. Parce qu'on a tendance à croire, on fonctionne de manière court-termiste. Et la démocratie conditionne à ça, d'ailleurs, hein, les élections tous les ans, parce que les gens votent tous les ans maintenant. Ils ont l'impression d'être plus libres parce qu'ils volent tous les ans. Parce qu'ils votent tous les ans. C'est un peu la même chose. On a l'impression que finalement, une fois si le problème paraît résolu à l'échelle d'un an, il n'y a pas de répercussion. Vous voyez? Mais sauf que le temps humain n'est pas le temps de l'histoire, de l'espèce humaine, par exemple. Vous voyez, le temps d'une personne humaine n'est pas le temps de l'espèce humaine. Et il remettait ça dans son. Enfin, il rappelait ça, et c'était très important. Et moi, ça me rend extrêmement méfiant. De toute façon, moi, je suis méfiant depuis l'origine sur toute cette histoire. Parce que je pense qu'elle est fabriquée de A à Z. Je pense que cette vaccination de masse est folle. Elle ne se justifie pas du tout. Sur des publics ciblés, ça pourrait se comprendre s'ils sont très âgés. Mais pas le délire collectif auquel on assiste, qui est fabriqué de A à Z. Par les gens dont on a parlé, hein, vers ceux qui vous disent ah oui, non, mais ça c'est faux, vous pouvez pas le dire. Et puis le lendemain, dire ah oui, non, mais en fait, vous avez le droit de le dire parce que le gouvernement nous a dit qu'on pouvait le dire maintenant parce que ça fait leurs affaires. Voyez. Et pour m'arrêter brièvement sur pourquoi tout d'un coup on a le droit de dire que l'origine du vaccin est artificielle et provient du laboratoire de Wuhan, c'est parce que d'abord, je pense que tôt ou tard, parce que ce virus est étudié dans des tas de pays maintenant. Donc, tôt ou tard, les gens ont dit, attendez, non, là, c'est manifeste, ce virus a été modifié en laboratoire. C'est absolument indéniable, on peut le prouver. Donc, voilà, je pense que ceux qui sont derrière le savaient, ils ont dit, bon, on ne peut pas vraiment le cacher, mieux vaut qu'on l'annonce nous-mêmes plutôt que d'attendre que des gens fournissent des preuves démontrant qu'effectivement, il a été modifié. Et on va pouvoir charger les Chinois. Et vous connaissez ma thèse, c'est-à-dire que les Chinois, à mon sens, ont été infiltrés et doublés par cette véritable cabale montée par toute une série d'acteurs, en vue de mettre en place le fameux Great Reset, et que ça permet de faire d'une pierre deux coups, puisque les États-Unis rentrent dans une guerre froide avec la Chine. Donc ça permet de dresser le monde entier contre la Chine. Et la Chine ne peut pas le reconnaître, je pense, parce que ça voudrait dire qu'ils se sont fait infiltrer par des agents extérieurs et se sont fait rouler dans la farine. Ce qui ne manquerait pas de provoquer, au plan intérieur, une grave crise de confiance dans la direction politique du pays. Et puis surtout, ils ont la responsabilité par rapport à tous ces morts. Bien évidemment. Et donc, comme quand même, c'est le Parti communiste chinois, mais c'est d'abord avant tout un système autoritaire pyramidal, c'est un système qui ne peut pas tolérer la remise en cause de son efficacité. Qu'il y ait un doute sur son efficacité, ça n'est pas tolérable dans un système comme celui-là. Donc voilà, je pense que c'est ce qui explique pourquoi les Chinois ne veulent pas dire « Oui, on a été victime d'une infiltration. » et voilà. Parce que sinon, ils pourraient dire « C'est un accident de laboratoire. » On s'est planté, voilà, on s'est planté. Ça arrive, on est désolé, etc. Bon, le blâme serait lourd. Mais voilà, je pense qu'on est aujourd'hui dans cette situation-là. Et les Chinois avaient laissé entendre, d'ailleurs, qu'il y avait des implications. Comme je l'ai dit dans plusieurs émissions précédentes, ils ont posé la question publique par la voix de du porte-parole des affaires étrangères chinoises, demandant pourquoi y a-t-il des dizaines et des dizaines et des dizaines d'unités de guerre biologique de l'US Army déployées un peu partout dans le monde, en donnant toute une série de pays. Et y en a en Afrique, il y en a en Ukraine, il y en a un peu partout. C'est une question qui suppose une réponse. Il n'y a jamais eu de réponse. Voilà. Donc je pense que les Chinois laissent traîner des petits cailloux pour que les gens qui ont un peu dessus dans les idées puissent... mais ils ne peuvent pas dire ouvertement ce qui s'est passé. Voilà à peu près moi ce que j'en pense. Alors après, ça c'est ma thèse. C'est une thèse. Donc j'aurais pas la prétention de dire que c'est la vérité. Mais c'est ma thèse, c'est ce qui me paraît le plus probable. C'est pas uniquement ta thèse, c'est aussi, je répète, désolé d'en parler souvent, mais c'est ce qu'avait expliqué le professeur Fortier, que ça avait été fabriqué, alors lui il avait dit l'Institut Pasteur, mais pas l'Institut Pasteur tout seul, et qu'ils avaient relâché à l'insu des Chinois ce virus à Wuhan pour leur faire porter le chapeau, effectivement. Il avait entendu cette thèse-là, je l'ignorais, tu vois. Oui, mais tout à fait, oui, il avait expliqué que c'était... Bon, il y avait Olivier Schwartz qui avait participé, mais aussi Frédéric Tanguy, donc le responsable de l'Institut de l'innovation vaccinale à l'Institut Pasteur, de même que Pierre Charnot, que l'on voit parfois. Bon, là... Permets de te couper là. Le rôle de Schwartz, donc le patron de l'Institut Pasteur, tu me dis donc que Fourtian a dit, il a mis la main dans la fabrication de ce virus et ensuite a contribué à le lâcher à Wuhan, laboratoire qui a été fondé notamment... cofondé par Yves Lévy, le mari d'Agnès Buzyn, c'est ça, hein ? Oui, enfin, en fait, il a expliqué que le SARS... Donc, il a trouvé les brevets concernant le SARS-CoV-V1 et SARS-CoV-V2, plusieurs brevets, certains européens, d'autres américains, et il a expliqué, lui, qui est quelqu'un qui connaît les brevets, puisqu'il en a déposé pour lui et pour ses organisations, Jean-Marc Fortillan, qu'on ne peut pas breveter un virus naturel. Donc il estime que c'est déjà la preuve qu'il y a eu une transformation. Mais quand on regarde le détail de ces brevets, il y a eu donc tout un tas d'insertions. Et donc le premier brevet date de 2003. Et après, donc, d'autres ont été déposés dans les années 2000, 2010, etc. Et donc il a estimé qu'il y avait une des personnes qui était présente sur chaque brevet comme ayant déposé ce brevet, qui était Frédéric Tanguy, qui dirige l'Institut vaccinal. Et je sais que... l'innovation vaccinale à l'Institut Pasteur. Je sais aussi qu'il a mentionné Pierre Charnot, puisque Fortillan estime que... Donc Pierre Charnot est un spécialiste du VIH, qui a travaillé avec Luc Montagnier, justement, puisque Luc Montagnier a dirigé lui aussi l'Institut Pasteur. Et Pierre Charnot apparaît aussi dans le libellé de ses brevets. Et Fortillan estime que Charnot a travaillé à l'insertion du virus du sida dans ce Covid-19, enfin ce SARS-CoV-2 qu'on a appelé ensuite Covid-19, Mais n'oubliez pas que Luc Montagnier a expliqué que ce virus était fabriqué en laboratoire puisqu'on pouvait voir des pans entiers de la malaria et du VIH. C'est une espèce de Lego fait de, de morceaux de virus de malaria, de morceaux de virus de, du VIH pour créer ce nouveau virus. C'est ça que tu veux dire? Oui, tout à fait. Bon, on sait que le VIH est une forme. Bon, il y a des débats sans fin sur le VIH. J'en suis pas un spécialiste, mais disons que on pense que le VIH est une forme d'immunodéficience. Donc, le système immunitaire est affaibli. Donc, si dans le Covid-19 il y a le VIH, ça veut dire que aussi, ça veut dire aussi que dans le virus, dans le vaccin, il y aurait peut-être une part de ce VIH. Ça veut dire qu'on attribue une immunodéficience aux gens qui sont vaccinés. Bon, là encore, on n'a pas tous les éléments. Mais disons que je ne sais pas si Fortillan, quand il était encore en liberté, puisque donc il est en prison après avoir été mis en hôpital psychiatrique, je ne sais pas s'il a pu parler avec Luc Montagnier, mais en tout cas, il y a plusieurs personnes qui parlent de l'origine du virus, l'origine artificielle. Aux États-Unis, il y a le docteur Merritt, une femme qui est très renommée, M-E-2-R-I-2-T. Si vous le lisez ou comprenez l'anglais, vous pouvez vous référer à ce qu'elle dit. Elle a aussi un site qui s'appelle The Medical Rebel, donc R-E-B-E-L, donc le rebelle, quoi. Rebelle médical. Donc il y a pas mal de gens. Il y a Fleming, qui est un type qui a fait un entretien pour France Soir, qui est traduit en français, un entretien audio avec celui qui dirige France Soir, là, Zalbert. Donc, bon, là encore, on manque d'éléments de certitude, mais on sait qu'il y a des choses bizarres qui se passent, et quand vous savez trop de choses ou quand vous voulez vous les dévoiler, etc., vous pouvez finir assassiné au coin d'une rue, même si vous êtes chef d'État, confrère le président tanzanien qui s'était moqué des tests Covid-19 et qui a fini mort alors qu'il était encore assez jeune, soi-disant du Covid-19, curieux, de même que le président du Burundi qui avait chassé l'OMS de son pays qui est mort juste après, curieusement. Il y a des scientifiques qui savaient des choses, qui étaient sur le point d'en découvrir, qui ont mal terminé aussi. D'autres sont mis en hôpital psychiatrique, en prison. Donc si les gens se doutent pas de ce qui se passe, je crois qu'il va falloir se réveiller, ou sinon il n'y a plus qu'à mourir, j'ai envie de dire. Ouais, alors pourquoi je m'arrête sur Schwartz et la thèse de Fortillan, c'est que Schwartz, on le retrouve dans des vidéos sur France Culture, a expliqué que le virus ne peut pas être originaire d'un laboratoire. Donc, il participe de cette campagne, il y a de ça maintenant presque un an, parce que la thèse commence à monter à ce moment-là dans l'opinion publique, on dit que c'est complotiste, que tous ceux qui pensent que le virus émanerait d'un laboratoire, même du laboratoire de Wuhan, en fait, sont des complotistes, ils sont libellés comme tels, et on voit Schwartz, donc qui est d'origine juive, hein, rentrer dans la danse et participer à la communication en disant « mais non, c'est faux, c'est délirant, il n'y a aucun fondement, etc. » Et moi, je note à chaque fois en France que c'est Schwartz, c'est Martin Hirsch, c'est Jérôme Salomon, c'est Yves Lévy, je pourrais continuer comme ça longtemps, quoi. On tombe systématiquement sur le peuple élu. Systématiquement sur le peuple élu pour façonner ce discours officiel à propos du virus. Les mêmes gens qui nous disent c'est impossible, il ne peut pas émaner d'un laboratoire, alors que ces gens sont à l'origine de la création ou de la co-création du laboratoire de Wuhan, ils disent non, c'est pas possible, c'est vraiment radicalement impossible. Et maintenant, la thèse qu'ils définissaient comme impossible, et ces gens sont pas n'importe qui, hein, Schwartz est à la tête de l'Institut Pasteur, maintenant font face à des gouvernements entiers qui disent mais non, mais en fait c'est la thèse la plus probable. Donc ces gens mentent. D'accord ? Donc Schwartz, à la tête de l'Institut Pasteur, a menti. D'accord ? Il a accepté de faire courir la rumeur selon laquelle le virus ne peut pas émaner d'un laboratoire. Enfin, plus exactement, du laboratoire que Lévy avait construit. Okay. Je te rejoins. Je veux dire, ceux qui ne se posent pas de questions, voilà, c'est, au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup. Et voilà. Moi, je pense qu'on n'a pas affaire à un complot, je pense qu'on a affaire à une cabale. Voilà, c'est... Point barre. Alors, messieurs, peu importe l'origine ou ce qu'on en pense, le programme continue. Alors ça, c'était vraiment flippant. Hein. Dans le genre totalitaire, on était quand même pas mal avancé. C'est le concert d'Indochine. Je sais pas si vous avez vu les images. Alors, je vous lis quand même un petit résumé de LCI. Alors, donc, le titre est le suivant. C'est le feu. 5000 fans au concert test d'Indochine à Bercy pour faire avancer la science. La science, le mot magique. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre pour les besoins de la science, mais surtout pour le plaisir de retrouver l'expérience du concert live après 15 mois d'abstinence. 5000 personnes se sont pressées ce samedi à l'Accor Hotels Arena de Paris. Tirées au sort après s'être portées volontaires, elles ont assisté à un concert test d'Indochine après une première partie assurée par Étienne de Crécy. Faisant résonner les samples ou les samples et les basses, dansant autour des platines face à une foule jeune, masquée, mais ravie de retrouver l'ambiance du live, le DJ a mis le feu à la fosse où le respect des gestes barrières, hormis le port du masque, n'était pas d'actualité. Ici, aucune distanciation physique. Nous sommes pressés les uns aux autres, s'enthousiasmait Karima Charny, journaliste culture sur LCI, qui avait eu la chance d'être tirée au sort. Ils ont de la chance, ils ont les journalistes, ouais, c'est pas du tout organisé ça. À chaque changement de rythme, les clameurs ont envahi l'arène parisienne, illuminée de flashs bleus et rouges. Quelle ambiance les amis, c'est le feu, s'est clamé sur Twitter un participant. Après 45 minutes sur scène, Étienne de Crécy a laissé la place à Indochine, dont les tubes résonnaient déjà dans les files d'attente pour entrer dans la salle. Ça fait des mois qu'on n'a pas de concert, revoir la foule ça fait du bien, on reprend goût à la vie, témoignait juste avant le début du concert Loïs, une technicienne de laboratoire de 30 ans qui s'est postée au plus près de la scène. Ça fait si longtemps qu'on attend, donc là, retrouver un concert. En plus, Indochine, c'est assez formidable, s'enthousiasmait aussi Camille, 26 ans, venue du Val d'Oise pour revoir, pour la 5e ou 6e fois, Nicolas Sirkis et sa bande sur scène. Ce que j'attends, c'est d'avoir en concert les sensations que j'avais avant. Mais les conditions sont un peu spéciales. On fait avec, confiait Alexandre, un spectateur interviewé par Karima Charny. Comme les 5000 autres, il a dû remettre en entrant dans l'arène une enveloppe contenant un test salivaire effectué ce samedi. Après un premier test antigénique réalisé ces 3 derniers jours et qui s'est avéré négatif, l'une des conditions pour participer à l'étude, un autre test doit être réalisé 7 jours plus tard. Je vais essayer de porter mon masque tout au long du concert parce qu'il faut faire attention, mais cette étude a été faite pour ça aussi, savoir si on va bien porter le masque ou non, ajoutait-il. Hormis les 5000 spectateurs participant au concert depuis la fosse, 2500 participants tirés au sort ont, eux, assisté à l'événement en direct depuis chez eux, sur écran. Ils seront néanmoins invités à la prochaine tournée d'Indochine en 2022, a fait savoir l'organisateur de l'événement. Le nombre de cas positifs sera comparé dans les deux groupes. L'étude, dont de premiers résultats sont attendus fin juin, doit permettre de démontrer que s'ils sont testés négatifs au Covid-19 en amont, les spectateurs ne courent pas plus de risques de se contaminer au concert qu'en temps normal. Aucun ne devrait être âgé de plus de 45 ans, ni présenter de comorbidité, obésité, hypertension. L'expérimentation a aussi pour but de tester l'inclusion du test négatif dans l'application Tous Anti-Covid, préfigurant le pass sanitaire. Alors, je pourrais continuer comme ça, hein, vous avez compris grosso modo la philosophie du truc. Je précise qu'il y avait quand même des caméras qui filmaient en direct la foule pour vous vérifier sur chaque participant si le masque était effectivement bien porté. Et on a vu des photos, donc c'était vraiment flippant. Hein. Il y avait une espèce d'ambiance totalitaire où tu as une espèce de masque qui est agglutiné avec des masques, avec une lumière bleue. Et qui, il y a une photo où on voit Véran et Bachelot qui regardent ça de dos. Tu les vois de dos, Véran et Bachelot regardant la masse uniforme. Avec leur masque, enfin, là il y a un côté dystopique total. Je sais pas ce que vous en pensez de ce truc, enfin j'ai une petite idée, mais je voulais quand même avoir votre réaction. Bah, nous avons basculé dans un autre monde, hein, ouais, c'est sûr. On nous avait dit qu'avec ce vaccin, les gens seraient libres. Ils sont libres, mais quand même il faut porter des masques. Donc. Puis il va falloir se faire renouveler le vaccin tous les jours, enfin pas tous les jours, toutes les années, voire tous les 6 mois, etc. Trois tests avant. Un test une semaine après, je veux dire, t'as le masque pendant, voilà, t'as les caméras qui t'observent, voilà. Ouais, bon, il y a d'autres choses, c'est l'entrée dans un nouveau monde, parce qu'il y a aussi toute la nouvelle langue des choses. Il y a 15 mois, personne ne parlait comme ça, les distanciations sociales, le fait de se protéger, que le virus circule, ne circule pas. Et d'ailleurs, c'est typique des mondes communistes, hein. les régimes communistes inventaient toute une nouvelle langue. Si vous avez du temps à perdre, vous pouvez écouter un historien qui s'appelle Bruno Riondel, qui a fait cette analyse là donc R-I-O-N-D-E-L sur Odyssée, parce que ça a été supprimé de YouTube, je crois. En quoi le monde du Covid-19 nous a fait entrer dans un nouveau monde, notamment sur le plan linguistique, on parle différemment, voilà, et donc il fait le lien avec le communisme dont il est un spécialiste. Ah, c'est intéressant ça. En tout cas, en fait, c'est la mise en pratique hein, du projet de passeport intérieur, où vous n'accéderez à des événements publics qu'avec l'autorisation de l'État. Parce que c'est précisé dans l'article, il y a l'application Tous Anti-Covid qui est pilotée directement par le gouvernement. Donc c'est eux qui vous autorisent ou ne vous autorisent pas à participer à un événement. D'accord ? Donc avec les critères qui seront ceux de leur choix, bien évidemment. Voilà, on a sous les yeux la mécanique qui se met en place. On nous parle de concert test, donc espèce de répétition générale qui est assez intéressante aussi. Tu parlais du langage, ça me paraît assez frappant, assez révélateur, le fait d'utiliser ce terme-là, le concert test. On teste les gens, on teste les réactions du public. C'est des cobayes, en fait, hein, ni plus ni moins. Hein, c'est des cobayes, on regarde leurs réactions, est-ce que ça marche, ça marche pas. Voilà, bon, on y est. Et alors, un peu plus loin dans l'article, en fait, il y a l'idée de se débarrasser du masque. Je vous lis ce petit passage, c'est toujours sur le même article, c'est ça. Sur LCI, le directeur du Festival des Vieilles Charrues, donc en Bretagne, Jérôme Tréorel affirme que c'est très réjouissant pour nous, organisateurs, et c'est surtout de bon augure pour cet été. Il regrette néanmoins que l'expérience n'ait pas été plus loin que celle menée à Barcelone avec, par exemple, un concert sans masque. On a besoin de se projeter parce qu'on prépare déjà 2022, affirme-t-il. Donc c'est vous voyez, les gogoïs espèrent ne plus pouvoir porter le masque. Vous voyez, j'avais parlé de dédomestication, j'avais donné le mécanisme de la récompense en échange de l'effort fourni, hein, comme le dressage des chiens. Et eh bien, si vous acceptez de vous conformer au nouveau système de surveillance et de traçage de la population, vous aurez le droit à une petite récompense, c'est de participer à un concert, et même peut-être éventuellement de retirer votre masque. Vous voyez, ça c'est la petite récompense qu'on vous montre comme ça au loin, c'est le petit susu qu'on vous dit « Ah, si tout se passe bien, vous aurez peut-être le droit d'enlever votre masque. » Et là, une douche froide, ça vient du Vietnam. C'est Courrier International qui dit ça, c'est très intéressant. Alors voici, le Vietnam a annoncé samedi 29 mai avoir détecté un hybride des variants anglais et indiens se propageant rapidement par voie aérienne. Après avoir réussi à contenir le Covid-19 pendant la majeure partie de 2020, le pays est confronté depuis fin avril à une propagation plus rapide du virus. C'est une découverte qui pourrait expliquer le récent rebond de l'épidémie de coronavirus au Vietnam. Samedi, à Hanoï, Hanoï a annoncé avoir détecté un nouveau variant combinant les caractéristiques des variants indiens et britanniques, rapporte le journal vietnamien VN Express. Les cultures de laboratoire de cette souche, beaucoup plus transmissibles que les types précédemment connus, ont révélé que le virus se répliquait très rapidement, a précisé le ministre de la Santé Nguyen Tan Long. Après avoir réussi à contenir le Covid-19 pendant la majeure partie de 2020, le Vietnam est confronté depuis fin avril, donc comme il disait, à une plus grande progression. Le Vietnam se prépare notamment à des perturbations dans son secteur de la fabrication technologique, moteur économique du pays et rouage vital dans les chaînes d'approvisionnement mondial, précise le Nikkei. Donc ça, c'est une publication japonaise. Le gouvernement a appelé à des efforts à l'échelle nationale pour protéger les usines, alors que deux provinces du Nord abritant des parcs industriels sont confrontées à un rebond de l'épidémie. Par ailleurs, le ministre de la Santé a semblé appuyer ses propos sur des résultats de culture de laboratoire, mais ceci, dit-il, ne reflète pas forcément la façon dont le virus pourrait se comporter en situation réelle. L'autre grande question sans réponse est de savoir dans quelle mesure les vaccins Covid-19 existants seront efficaces contre cette nouvelle variante trouvée au Vietnam, note Bruce Y. Lee, journaliste pour le magazine Forbes et professeur en politique de santé de l'université de la ville de New York. Si les vaccins actuellement disponibles ont une efficacité élevée contre cette nouvelle variante, alors son émergence renforce simplement la nécessité de se faire vacciner davantage, davantage de personnes que possible. Mais comme vous l'avez remarqué, il se propage plus rapidement par la voie aérienne, ce qui impose le port du masque. Eh oui, voilà, c'est ça le truc. Donc les gens qui, si jamais ce variant arrive en France, de la même façon que le variant indien ou le variant britannique, le port du masque mécaniquement devient la règle. Hein. Donc vous voyez qu'on n'a pas fini d'en rire de tout ça. Qu'est-ce que vous... Quelque chose à dire sur tout ça ou sur autre chose ? Ben, moi, je vais citer un docteur anglais qui dit actuellement à propos du Covid-19, des gens s'illusionnent en pensant justement, comme tu l'as expliqué, que en faisant bien comme on leur dit de faire, en respectant bien les règles, ils auront la liberté, leur sucre leur sera donné et tout ça. Mais il dit lui, mais non, ça ne va pas s'arrêter. Pourquoi ça ne va pas s'arrêter? Parce que Les grands de ce monde, notamment les GAFAM, Amazon, Google, etc., ont augmenté très largement leur chiffre d'affaires. Ils s'enrichissent avec, par le biais notamment de cette pandémie. Pourquoi voudraient-ils l'arrêter? Et c'est eux qui détiennent les organes de presse, sans parler de Bill Gates et tout ça. Donc que ce soit une excuse X ou une excuse Y, que ce soit le Vietnam ou que ce soit le variant vietnamien, le variant indien ou que sais-je, on trouvera toujours une bonne raison pour maintenir ce genre de choses. Alors les variants sont une réalité que je ne nie pas. Hein. Montagny a expliqué lui que c'était à cause des vaccinations, que ça crée des variants. Dans le cas du Vietnam, je ne sais pas, puisque c'est un pays qui semblait pas tellement favorable à la vaccination. C'est un pays qui n'avait pas été d'ailleurs tellement touché par le Covid. Mais bon, voilà. Et on peut revenir maintenant au cœur du véritable objectif. C'est le Great Reset, la grande réinitialisation, celle qui a été pensée par le Forum économique de Davos, par Schwab notamment, Bill Gates, Soros et quelques autres. Et on avait présenté ici hein, le grand objectif, c'est-à-dire que c'était, grosso modo, hein, c'était une excuse climato-sanitaire pour justifier une baisse drastique du niveau de vie qui est rendue inévitable par le caractère insoutenable des dettes des États occidentaux. En fait. Donc les États occidentaux vont faire faillite, le niveau de vie va baisser drastiquement, et pour éviter une remise en cause par les populations de l'ordre établi, en fait, hein, qui pourraient dire « vous nous avez mis dans cette situation », eh bien, on a cette excuse, j'allais dire, climatique et sanitaire pour justifier la baisse du niveau de vie, l'austérité massive. Et alors, le programme continue d'être déployé, on voit des pays tests, c'est très intéressant d'ailleurs, c'est jamais le même pays, hein. Ils utilisent un pays, un autre, avec à chaque fois des ballons d'essai, parfois c'est la Nouvelle-Zélande, parfois c'est l'Australie, là en l'occurrence c'est l'Espagne, mais on voit que on suit une même mécanique. Alors, ça, c'est probablement le truc le plus spectaculaire à ce jour. Je vous lis ça, ça provient de Sputnik News, pardonnez-moi. C'est très court. Jeudi 20 mai, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a présenté un plan de 675 pages, rien que ça, intitulé « Espagne 2050 ». Fondements et propositions pour une stratégie nationale à long terme invitant à entamer une réflexion collective sur les défis du pays après la pandémie pour savoir quel type de pays nous voulons être dans 30 ans. Donc ça reprend le discours sur Build Back Better qu'avait d'ailleurs repris à son compte Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, et qui est aussi le slogan de Davos, hein, c'est « Reconstruire en mieux ». Donc, quel pays reconstruire après la pandémie, entre guillemets? La vision de l'avenir doit être celle de l'État et non du gouvernement. Le présent nous occupe, mais nous devons également nous soucier de l'avenir, a lancé le Premier ministre. Le journal El Mundo déduit que, conformément au plan de Sanchez de 2050, les Espagnols n'auront, écoutez bien, ni voiture, ni maison personnelle, et devront partager un appartement collectif. Ils seront également obligé de renoncer aux avions pour des voyages de courte distance et, à la place, utiliser le train. En matière d'emploi, ils auront un statut autonome ou en CDD et pourraient avoir à travailler jusqu'à 70 ans avant de partir à la retraite. Ils devront manger moins de viande et payer plus d'impôts pour boire et fumer. Voilà. Alors, rassurez-vous, c'est pour faire baisser la température et pour lutter contre un virus terrible qui tue des vieux de 80 ans. Voilà à peu près où on en est, et les gens achètent ça. Pour illustrer ce que tu dis, ce que tu rapportes, donc Klaus Schwab, donc le président fondateur du Forum économique de Davos, qui a écrit le livre Le Grand Reset, a dit notamment « Vous ne posséderez rien à l'avenir et vous serez heureux ». Voilà. Donc là, on prétend dicter le bonheur des gens. Ça rappelle aussi Mao Tse-Dong, le communisme, Lénine, que sais-je. Alors que posséder les choses, par exemple posséder sa maison, qu'elle soit une petite ou une grande maison, ou posséder même un petit appartement, je crois que c'est quelque chose de partagé dans la population. C'est-à-dire qu'on aime bien avoir son petit chez-soi, si possible en être propriétaire. C'est quelque chose que l'on pourra léguer éventuellement à ses enfants. Et là, on va contre le droit de propriété, et puis il y a aussi les questions autour de l'alimentation, puisqu'il faudra lutter contre le réchauffement climatique, donc il faudra moins de viande. Bon. Mais tout ça est voulu et piloté notamment par Bill Gates, dont on avait également parlé, qui est le propriétaire désormais de quantité d'hectares de terres arables, donc qui servent notamment à produire du blé. C'est le premier propriétaire de terres arables des États-Unis, le premier propriétaire privé. Voilà, il suffirait que lui coupe finalement ses, ou choisisse de plus distribuer ce blé, et puis on aurait les conditions d'une famine. Bon, en tout cas, on y est. Je veux dire, on n'est plus dans de la théorie complotiste. C'est maintenant des rapports qui sont fournis. Ce n'est pas des rapports, c'est plutôt des échéanciers qui sont fournis par des gouvernements en place, comme le gouvernement espagnol, qui disent, voilà, la maison personnelle va être abolie, la maison particulière va être abolie, le véhicule particulier va être aboli. Ce que vous allez manger va être décidé par le gouvernement. La façon dont vous vous déplacez sera dictée par le gouvernement. Excusez-moi, c'est un système communiste. C'est toujours ce qu'on a dit. On a expliqué ça depuis plus d'un an ici. J'ai expliqué qu'on allait vers une espèce de gigantesque RDA, l'Allemagne de l'Est soviétisée. Enfin, c'était une espèce d'équivalent. En RDA, vous ne pouviez pas déménager comme vous voulez. Vous étiez. L'État, enfin l'État-parti, fournissait un domicile à une personne et elle était attachée à ce domicile pour l'essentiel de sa vie. D'accord? C'était pas vous qui décidez, voilà, j'ai envie d'aller vivre dans telle ville, ça marchait pas du tout comme ça. Tout était planifié, vous n'aviez absolument aucune liberté. Ces gens veulent établir ce système-là. Parce qu'ils pensent qu'il faut basculer dans l'autoritarisme social et économique complet pour ne pas être renversé par la population, sur fond de crise des dettes souveraines et d'effondrement du système tel qu'il a été construit depuis 1945, en fait. Donc c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et le virus, c'est le prétexte, c'est pour contrôler les populations, les rassemblements, la façon dont les gens se comportent, etc. C'est tout à fait évident. Et là, en Espagne, ils sont déjà dans la phase suivante. Pour la question, vous savez, de l'abolition du véhicule privé, c'est très simple. Quand vous les voyez, par exemple, en Grande-Bretagne, ils disent que la production de véhicules électriques sera interdite à partir de 2030. Bah, posez-vous la question. Bon, bah, si tous les véhicules à énergie fossile sont interdits à partir de 2030, ça voudra dire que celui qui aura un véhicule devra utiliser de l'électricité. Mais quand vous regardez ça, enfin, quand vous regardez cet échéancier, vous le comparez à la production d'électricité, vous ne voyez pas une envolée des capacités de production d'électricité au Royaume-Uni. Donc vous vous dites, mais attendez, ça va être compliqué. S'il faut électrifier la totalité du parc automobile britannique, mais que par ailleurs les capacités de production d'électricité n'augmentent pas significativement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer qu'il n'y aura pas beaucoup de véhicules électriques qui vont circuler. C'est exactement l'objectif. L'objectif, c'est de priver un maximum de gens de véhicules particuliers pour les faire basculer sur des transports collectivisés, c'est-à-dire des transports soviétisés, ni plus ni moins. Voilà, on y est, on est dedans. Voilà, vous voyez, ça passe par l'Espagne, c'est la Grande-Bretagne, c'est la Nouvelle-Zélande avait, par exemple, initié le principe d'internement des gens qui n'étaient pas vaccinés par l'armée. Ça a été repris par le Canada. Et si vous avez suivi l'actualité, on en avait parlé dans l'émission il y a quelques semaines, il y a 15 jours, je crois, le principe de l'internement, ou c'est la semaine dernière même. Le principe de l'internement des gens qui ne sont pas vaccinés est acté grâce à la stratégie en anneaux qui est défendue par un médecin juif qui s'appelle Fischer, Alain Fischer, en France. Et cette thèse, selon cette thèse, quoi, enfin selon cette stratégie vaccinale, toute personne qui est en contact direct avec une personne contaminée doit être vaccinée, ainsi que son deuxième cercle, donc les gens qui connaissent une personne qui connaît une personne vaccinée. Infectés, et ceux qui refusent, dans le deuxième cercle, doivent être internés, au titre de la quarantaine, de force. Bon, voilà, ça c'est rentré, ça a été validé. Donc vous voyez que de manière diffuse, le truc se met en place, quoi. Donc pour des complotistes, je trouve qu'on s'en était pas mal sorti, on avait annoncé pas mal de choses qui sont en train de se dérouler, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est vrai qu'il y a depuis 15 mois, on avait annoncé des choses qui pouvaient paraître complètement farfelues, mais qui en réalité sont en train, malheureusement, de se réaliser. Vaccination obligatoire, restriction des libertés, Non, c'est plus la restriction de la liberté. C'est plus la restriction de la liberté. Il n'y a plus de liberté. C'est plus la restriction de liberté. Il n'y a plus destruction de des libertés. liberté. Oui, parce que tu peux plus t'exprimer librement. D'accord? C'est-à-dire que d'abord, ton droit de réunion est suspendu. De fait, hein, tu ne peux pas organiser une rencontre. Il faut à l'avance la déclarer. Il faut respecter toutes les conditions sanitaires. Tu dois être suivi par l'application gouvernementale, etc. Le but, c'est ça, c'est d'empêcher les gens de se réunir librement et spontanément. Ça, c'est première chose. Deuxièmement, les associations qui peuvent éventuellement poser problème sont dissoutes unilatéralement. Ce qu'on ferait au cas récent de Génération Identitaire, mais avant ça, d'autres associations comme l'Œuvre française, il y a eu des précédents. Donc le droit de se rassembler, le droit de s'associer n'existe plus. Le droit de s'exprimer n'existe plus. On a donné des cas récents, même caricaturaux, hein, avec quelqu'un qui, je sais pas, ses tuiles ne correspondent pas à ce qu'il faut. Alors bon, il est traîné devant les tribunaux, on le licencie, etc. Bon, je passe même sur les réseaux sociaux, la DILCRA, le nouveau parquet digital qui a été créé par le gouvernement pour traquer les gens sur Internet, etc., etc. Tout ça à l'initiative de gens comme Gil Tayeb, qui par ailleurs appelle à ratonner à mort les Arabes en Palestine, hein, et à les assassiner en masse, hein. Donc des gens qui appellent à lutter contre le racisme et à aimer les musulmans en France, qui sont en train d'appeler à éradiquer un maximum d'Arabes en Palestine. C'est ces gens-là qui sont aux commandes. Faut pas le perdre de vue, hein. Parce qu'il y a le caractère médical avec les Schwartz, les Hirsch, les Fischer, les Salomon, les Lévy, et puis vous avez le pendant terroriste sur Internet, ça c'est les Gil Tayeb et compagnie. On est toujours sur le même acteur, hein. Toujours le même acteur. Donc tout ça se met en place, on nous dit maintenant, voilà, vous ne pourrez pas être propriétaire, en gros c'est ce qu'on dit, vous ne pourrez pas être propriétaire. On va vers la collectivisation du logement, collectivisation des transports, et ça il faut que les gens comprennent. Si tu n'as pas un véhicule personnel, ça veut dire que tu ne peux pas aller où tu veux. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que tu es tributaire des trajets que l'État aura validés, du point A au point B, les lignes de bus ou les lignes de train. Tu ne pourras pas dévier. Voilà vers quoi on va. Ça, c'est l'Espagne qui vient de l'annoncer. Je ne sais pas si les gens réalisent ce qui est en train de se passer là. Et ils sont contents parce qu'on leur donne un concert d'Indochine. En plus, vous avez vu là le discours de LCI, comment c'est mis en scène, quoi, l'espèce de comment ils surjouent la joie, ouais, le feu, le plaisir, le truc avec le je sais pas quoi, le journaliste maghrébin qui a été tiré au sort, il se trouve être journaliste de LCI, il est au milieu du concert, il dit que c'est génial. Enfin, c'est soviétique. C'est l'Union soviétique. C'est l'Union soviétique. Nous sommes en train d'entrer dans l'Union soviétique 2.0, le communisme 2.0. Ça y est, on y est. Absolument, un petit fait divers à propos de la liberté d'expression et de rassemblement que tu as cité un peu plus tôt. En Belgique, c'est tout récent, il y a 3-4 jours, il y a quatre types qui se rassemblent, qui déploient une banderole, stop à l'islamisation, 6 mois de prison. 6 mois de prison pour une banderole, stop à l'islamisation? En néerlandais, oui, 6 mois de prison. Je ne sais pas si c'est sursis ou ferme, ça ne change rien, puisque de toute façon, 6 mois, ils ne les font pas, si c'était ferme. Mais c'est 6 mois de prison quand même. Bah ben voilà. Voilà, hein, ça c'est. Voilà, le communisme, on est dedans. On est bien entré dedans, effectivement. On est dedans. C'est pas revendiqué en tant que tel, hein. Ils n'utilisent pas le mot communisme. Ils parlent de climat, ils parlent de mesures sanitaires, ils parlent de préserver l'environnement, etc. Mais nous sommes effectivement dans un nouveau système communiste. Voilà, qui se renforce de plus en plus. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose sur tout ce que nous avons dit ou ajouter quelque chose? Ouais, il y a une petite chose que j'ai oubliée quand on a parlé de la vaccination des enfants, c'est qu'on a dit à juste titre que les enfants ne mourraient pas du Covid-19, sauf très très rare exception. Mais là, donc c'est NBC News, donc c'est les journaux anglais, même si ou américains, je ne sais plus. En tout cas, on nous parle beaucoup des morts parmi les enfants à cause du Covid-19 au Brésil. Donc je ne sais pas si dans quelle mesure les médias français là que j'ai pas écouté ces derniers jours en parlent ou pas. Mais voilà une ficelle très grosse pour dire, bah regardez, au Brésil, les enfants meurent du Covid-19, donc le Covid-19 est bien très dangereux pour les enfants, donc il faut les faire vacciner. La manipulation médiatique est très forte. L'utilisation de la terreur de masse, comme l'évoquait Fulbert avec Ranst, proche du Parti communiste de Belgique, hein, donc des staliniens durs. Hein. C'est marrant. Hein, regardez le système en Belgique, le système politique belge, qui a recours à des marxistes durs, affiliés au Parti du Travail de Belgique, donc vraiment des staliniens, pour faire la propagande sanitaire. Ça nous dit quelque chose. Rappelez-vous de l'histoire en Inde où il nous expliquait qu'il y avait tellement de morts qu'on brûlait les cadavres en plein air. Sauf que les Indiens ont toujours brûlé les cadavres en plein air. Ça se fait tout le temps. Ça a toujours été comme ça. Et quand vous regardez le nombre de morts, en fait, c'est dérisoire par rapport à la taille de la population indienne. Hein. Eh ben, ils faisaient des zooms sur des corps qui étaient incinérés. Les gens, et en Occident, les gens disaient « Mon Dieu, ils sont en train de brûler les gens dans les rues, il y a tellement plus de place. » C'est extraordinaire, quoi, je veux dire. Comment ils abusent des goy avec une aisance stupéfiante, mais c'était le cas. Ça, c'était il y a un mois et demi, hein, quand ils ont focalisé sur le cas indien. Voilà, alors peut-être qu'on va nous parler un peu plus du Vietnam, je ne sais pas, parce qu'il y a le cas hybride, mais le management par la terreur, il est là et bien installé. Hein, et vous n'avez pas le droit de parler. Et les experts que tu invoques il y a quelques secondes, sont les grands complices, parce qu'on les oublie un petit peu. On voit le politique, on voit les journalistes et leur propagande, et il y a les experts dans cette histoire de pandémie de Covid. J'ai vu l'année passée un homme politique belge dans la presse qui s'exprimait et qui disait à peu près ceci, parce qu'il était, on lui posait beaucoup de questions sur la pandémie. Il s'agit d'Elio Di Rupo, c'est un socialiste qui a dit « Nous suivrons tout ce que les experts nous diront. » Oui, bon, c'est clair. Mais c'est comme en France avec le Conseil scientifique, qui est devenu pratiquement le gouvernement parallèle français. Et dont Macron subit la pression, parce que Macron est tenu par des impératifs électoraux, donc il essaye d'envoyer des signaux à certains fragments de l'électorat en disant on va réouvrir, etc. Le Conseil scientifique est un peu une espèce de gouvernement d'occupation bis, parce que le gouvernement français est déjà un gouvernement d'occupation en tant que tel, mais un gouvernement d'occupation bis qui supervise les actions de Macron en disant attention, là, pas trop vite, pas comme ça, et il y a des tensions, il y a de réelles tensions, et vous dites, mais qui a constitué ce Conseil scientifique? D'où sort-il? Qui l'a créé? Parce que Macron, s'il était le président, il pourrait dire « je le dissous ». Tout simplement. Parce que c'est des gens qu'on ne connaît pas. Ils n'ont été mandatés par personne. Ils se réunissent secrètement. Et ils émettent des avis qui ont plutôt la forme d'oukase au gouvernement français. Visible. Mais visiblement, Macron ne peut pas s'en débarrasser. Donc là, il y a une réalité du pouvoir. N'est-ce pas? Et ces gens-là sont aussi des experts, quoi. Mais en fait, ils racontent bien ce qu'ils veulent, quoi. Et c'est eux qui disaient, c'était il y a 3 semaines, va y avoir une 4e vague cet été. Voilà, ils avaient, c'était pratiquement acté, quoi. Ils disaient, voilà, non, il y aura une 4e vague, voilà. Bon, voilà, par exemple, personne ne demande la dissolution du Conseil scientifique, alors que ce truc doit être absolument dissous, et même ses responsables jetés en tôle, quoi. Ni plus ni moins. Ces gens sont des conspirateurs à la solde du pouvoir du pouvoir global, quoi. D'ailleurs, Rainer Fulmich, un avocat allemand installé aux États-Unis, a créé un collectif et a porté plainte pour que les gens covidistes, on pourrait dire, les dirigeants du monde qui nous ont enfermés, qui ont interdit les traitements, soient jugés devant le tribunal de Nuremberg, comme en son temps nous ont été jugés les dignitaires nationaux socialistes. Oui, alors ça me plaît pas du tout, pour une raison évidente, le tribunal de Nuremberg n'était pas un tribunal en fait, hein. C'était une cour martiale, déjà c'est un tribunal militaire. Je ne vais pas revenir sur ce qu'était le tribunal de Nuremberg, mais il était fondamentalement, il était conçu pour faire exécuter et pas pour juger en toute impartialité. Parce que les vainqueurs jugeaient le vaincu. Donc c'est déjà en soi, philosophiquement et moralement, c'est une impossibilité. Et je n'aime pas en fait ces références antifascistes qui consistent à systématiquement tout réduire au national-socialisme présenté comme l'incarnation même du mal. Ce qui est la pierre angulaire du système qui est en crise aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le système qu'on voit s'effondrer aujourd'hui, qui a recours à la terreur sanitaire, comme on le voit depuis bientôt la terreur climatique, pour parvenir à ses fins et se maintenir au pouvoir, est le système de Nuremberg. Donc, oui, c'est vrai. C'est ça que j'aime pas. Alors évidemment, lui, il va pas aussi loin dans sa réflexion, mais ça me gêne, ce genre de réflexion, en disant, voilà, ou comparé aux nazis. Enfin, c'est vraiment... Bon, il faut faire un travail de déconstruction complet. Voilà, faut pas s'arrêter à mi-chemin. Le système qui est en crise aujourd'hui, c'est le système de Nuremberg. C'est le système. Alors, par contre, je ne suis pas du tout hostile à l'idée de juger de telles personnes à Nuremberg. Mais ça sera sous l'ombre de la svastika. Là, d'accord. On pourrait l'imaginer, effectivement. Mais je n'aime pas cette rhétorique démocratique-là. Ça me dérange énormément. Quelqu'un, enfin, ceci étant dit, j'entends ce que tu me dis. Hein, je veux dire, de dire, voilà, ces gens sont des criminels, il faudrait les juger. Je suis totalement d'accord avec ça, bien sûr. Quelqu'un d'autre? Vas-y, Fulbert. Ce que tu dénonces, là, cette rhétorique, en fait, elle est employée par tout le monde, y compris par les crétins qui se disent de droite ou nationaliste ou souverainiste, tout ce que vous voulez. Moi, je relève ça dans tous les réseaux sociaux. C'est incroyable la crétinerie qui s'exprime, qui semble n'avoir rien compris à ce que l'on vit. La rhétorique antifasciste est devenue consubstantielle à l'expression publique. C'est devenu une part intégrante du langage. Ben oui, on a nourri les gens du berceau et on les nourrira jusqu'à la tombe avec ce langage, avec cette diatribe, cette... Ça me rappelle un peu d'ailleurs le discours catholique sur le diable, le démon, l'enfer, le mal, etc. Vous voyez, en fait, ils ont repris les mêmes représentations, mais ils ont changé Satan par Adolf Hitler, les légions de l'enfer par les SS, l'enfer en lui-même par Auschwitz. Enfin, c'est ridicule, hein, c'est complètement ridicule. Voilà, donc les gens n'arrivent pas à sortir de ce carcan-là. Alors que c'est ce système-là, c'est cette illusion, enfin les gens qui ont créé cette illusion, qui sont aujourd'hui aux commandes. Parce que, excusez-moi, les alliés sont aux commandes, jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui commandent. Hein, c'est pas les puissances de l'Axe qui aujourd'hui contrôlent, hein, le système, hein, me semble-t-il. Donc comme je dis, hein, puisque la déconstruction est très à la mode, il faut aller jusqu'au bout de la déconstruction. Alors messieurs, je vous propose de nous séparer là-dessus, sauf s'il y avait quelque chose à rajouter. Non, d'accord. Bah, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.